Chile. Bigou. Elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se groupe magnifique. Ils sont champions de France. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport and Chill. C'est l'émission 3 de cette saison 4 de Sport and Chill. Et ce soir, on est en petit comité. Bon, c'est pas plus mal de temps en temps. Avant de faire le programme, on va peut-être justement commencer par les présentations du soir. Il y a Guillaume qui revient nous parler tennis ce soir. Bonsoir. Et pas que. Il y a Yacine qui fait son apparition dans cette nouvelle saison. Bienvenue Yacine. Bon retour à toi dans Sport and Chill. Merci beaucoup. Et il y a Romain, évidemment, fidèle d'estrier, qui sera toujours avec moi cette saison ou presque. Hein, on va essayer, on verra bien. Oui, c'est l'objectif. Bonsoir Romain. Et bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous. Et puis c'est l'émission où nous sommes le moins depuis le début de la saison. Alors je pense nous serons le plus. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. À 19h50, où nous recevrons trois invités. On parlera taekwondo, un sport sous-médiatisé, on peut le dire, mais dont il mérite un peu plus de médiatisation. On verra ça en deuxième partie d'émission à 19h48, pour être plus précis. Sport, effectivement, plusieurs fois médaillé aux Jeux Olympiques, notamment. On y reviendra. Absolument. Alors, pêle-mêle ce soir, je sais que tu adores ce mot, pêle-mêle. Tout à fait. Ligue des Champions, Lever Cup, handball, Little Star League, évidemment, le top 14, ou encore de nombreux autres sports, je compte sur Romain pour en parler. Les résultats montpelliérains ce soir, avec une semaine de 4 victoires et de 3 défaites, encore un bilan positif mais assez mitigé. J'ai parlé du taekwondo évidemment, et la parole de Tochiller. On n'a pas de duel ce soir, c'est une parole de Tochiller, ce sera la mienne, et on parlera des ultras dans le handball. On va commencer tout de suite avec les résultats. Alors, de la semaine. Parti. Sport and Chill, les résultats. Et on va commencer avec peut-être le tennis, justement, peut-être un événement qui est un peu moins important ce week-end, puisqu'il y a eu la Lever Cup qui fait encore parler d'elle, qui a de plus en plus de public, mais qui en fait encore parler d'elle, et quelques petits tournois mineurs, je ne sais pas si J'avais prévu de parler au début des tournois ATP et WTA qui se sont déroulés cette semaine. Alors à Metz, un tournoi français, un des 4 250 français, a vu la victoire de Gilles Simon, qui a battu Bachinger 7-6-6-1 en finale hier. C'est le 14e titre ATP de Gilles Simon, et le 2e cette saison après Pouneux au mois de janvier. Ça respecte la logique, hein, un tournoi en France, à part Roland Garros et les Master 1000, un Français qui gagne. Ensuite, il n'y a pas d'ATP 500 en France. Il n'y a pas d'ATP 500, non. Je ne me trompe pas, non. Non. On pourrait avec Montpellier, mais non. Mais c'est l'ATP qui veut pas, qui veut pas, c'est des financements. Et puis surtout, il faut trouver la place, parce que pour avoir un ATP 500, il faut qu'un ATP 500 justement s'arrête. Oui, voilà, aussi, dans le calendrier, il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, à Saint-Pétersbourg, Dominic Thiem, monsieur Mladenovic, a battu Martin Klizan, le Slovaque, 6-3-6-1. Et chez les filles, Pliskova a battu Osaka 6-4-6-4 en finale du tournoi WTA de Tokyo. La vainqueur de l'US Open japonaise a joué ce tournoi chez elle, mais elle était un peu encore sur son nuage, et la marche était trop haute face à Karolina Pliskova, 9e mondiale, mais très très solide joueuse de fond de court. Et elle n'a pas réussi à gagner le tournoi chez elle. Et enfin, à Séoul, en Corée, c'est le début de la tournée asiatique, donc chez les femmes. Kiki Bertens, la néerlandaise, a battu Alia Tomljanovic 7-6, 4-6, 6-2. Et enfin, donc, comme tu l'as dit, on va terminer avec le programme. J'ai oublié le programme. Cette semaine, cap sur l'Asie chez les hommes aussi, avec Chengdu et Shenzhen. On parlera peut-être en agenda, plutôt, à la fin. Oui, si tu veux. Bon, vu que c'est cette semaine, donc là c'est une tournoi ATP, et puis la Lever Cup qui a vu sacré. Oui, et donc alors là, Lever Cup, j'y arrive. Oui, on t'entend, moi, désolé. Je me sens trop rapide. Non, y a pas de problème. On est entre nous. Avec la victoire donc de l'Europe sur le reste du monde. Alors la Lever Cup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de Ryder Cup au golf, avec une opposition entre les joueurs européens et les joueurs du reste du monde. Alors pour le golf, c'est les États-Unis, mais ce serait très très limité au tennis. Et donc les Européens se sont imposés 13-8 face à ces joueurs du reste du monde. Alors c'est pas très compliqué vu le plateau très très européen du top 10, avec Zverev, Djokovic, Federer notamment. Quelques résultats à la volée comme ça. Jérémy Charny qui fait partie de la Team Europe, il faut le souligner quand même. Oui, bah, faut faire plaisir un peu quelque chose. On apprend toujours. Faut faire plaisir aux Français. Ouais. Je vais dire à qui Français. Il en faut un quand même. Donc quelques résultats à la volée comme ça sur le dernier jour. Anderson qui a battu Djokovic 2-7-1 avec un super tie-break 10-6 il me semble. Et Federer qui a gagné ses deux matchs, qui a battu John Isner 2-1 et Kyrgios 2-0 avec une très très belle prestation. C'était à Chicago et la prochaine sera chez Roger Federer à Genève, donc une assurance de le voir continuer en tout cas jusqu'à septembre 2019 pour ses fans. Et j'avais une petite question par rapport à cette Lever Cup qui est née l'année dernière il me semble. Oui. Oui, on en a parlé un peu l'année dernière. D'ailleurs. Voilà, et qui était décrié, oui, qui a toujours été décrié, mais ce que je veux dire c'était par rapport à la Coupe Davis, qui a été vu comme une épreuve qui a remplacé la Coupe Davis. Et à votre avis, est-ce que c'est cette épreuve qui a enclenché la réforme de la Coupe Davis qui l'a un peu tué, on peut le dire? Bah, moi je pense que, enfin je sais pas, je me suis pas renseigné sur le timing des déclarations de Piqué qui en fait inaugurait la nouvelle compétition puisqu'il était aussi actionnaire principal du groupe en tout cas sportif qui va gérer cela. Mais si ça a été en tout cas après la tenue de la Lever Cup l'an dernier, je pense que ça fait aucun doute. Je pense que lui et son groupe, et en tout cas les personnes qui voulaient un peu faire bouger le format de la Coupe Davis, se sont rendu compte d'un très grand succès déjà populaire. Je crois que ça s'était déroulé à Prague l'an dernier. Donc je sais plus sur combien de jours ça se tient, 2-3 jours peut-être ou 3 jours un peu plus. Ouais, c'était de vendredi à dimanche. Très bien, voir des cours remplis avec la crème de la crème des tennismen dont Jérémy Chardy. Bon, après il faut bien faire des exceptions. On a aussi Francis Tiafoe par exemple, mais bon, on peut pas avoir tout le temps le top du top. Je pense qu'il aura une meilleure carrière que Jérémy Chardy quand même. Hein. C'est un bon espoir. Je pense même aussi. Même si la carrière de Jérémy est honorable. Oui, voilà. J'allais dire ne cassons pas non plus sur l'audio de Jérémy Chardy qui n'a rien demandé ce soir. Absolument. C'est vrai. J'aimerais bien avoir son talent et son compte en banque. Voilà. Donc je pense que le format original voilà, de 2-3 jours, une compétition très rapide qui rassemble les meilleurs tennismen et dans une ambiance dans des cours remplis, etc. Donc le merchandising, etc., qui est beaucoup mieux organisé au final qu'une Coupe Davis qui se déroule sur des mois. Je pense que ça a dû faciliter beaucoup de choses, oui. Surtout un bon prize money du côté. Absolument. Moi j'allais dire ça a facilité les choses sans doute. Il y a un rapport a priori évident avec la disparition de la Coupe Davis et des changements de format de compétition sur ces compétitions qui mettraient non plus en face à face des joueurs comme ça l'est tout au long de la saison, mais plutôt des équipes. Avec là ce côté finalement Europe contre le reste du monde et ce qu'était la Coupe Davis où là il y avait une représentation de chacun des grands pays du tennis finalement, pour autant facilitant certes, mais il n'en reste pas moins que cette compétition fait venir du monde parce qu'elle est attrayante, elle est nouvelle. Déjà quand il y a quelque chose de nouveau, ça intrigue, ça fait venir du public, de la curiosité. Il y a beaucoup de beaux joueurs qu'on voit évoluer, il y a quelques tests parfois étonnants. Par exemple, on a eu l'occasion, bon, malheureusement ça a été un échec d'ailleurs, de voir un match opposant la paire Novak Djokovic-Roger Federer à Jack Sock et Kevin Anderson, je crois, lors du premier jour. Donc on voit des choses et des joueurs évoluer ensemble, ce qu'ils ne font pas forcément à d'autres moments de l'année. Mais bon, on reste face à une compétition qui est de l'exhibition, j'ose le dire, alors que la Coupe Davis avait perdu certes de sa compétitivité, mais restait une compétition prestigieuse. Moi, ouais, le problème en fait avec cette compétition, l'idée même de cette compétition me déplaît pas. Elle est mal placée. Je la verrais bien à la place, par exemple, de la Open Cup en janvier, pourquoi pas, ou peut-être après le Masters, ou Donc ça serait, ouais, ça serait en décembre à peu près. Voilà, oui, pourquoi pas. Fin décembre, un truc de Noël, j'en sais rien. Mais comme l'émission spéciale de Sport & Chill, tu vois. un peu freestyle. En même temps. Mais en fait, je voulais dénoncer... dénoncer l'hypocrisie de cette compétition, c'est-à-dire que les joueurs ne veulent plus aller jouer la Coupe Davis, qui prend trop de semaines de leur calendrier, mais veulent bien aller jouer la Lever Cup, qui prend une semaine dans le calendrier. Alors, c'est pas des matchs en 3-7 gagnants, certes, mais c'est quand même des matchs. Il y a un certain nombre de matchs. Là, on est au début de la tournée asiatique, c'était à Chicago, ils vont prendre 13 heures de décalage horaire, donc ils viennent pas nous dire qu'ils sont fatigués après. Et je pense que s'il y avait un prize money en Coupe Davis, ils iraient jouer la Coupe Davis. Donc il y a une hypocrisie là-dessus. C'est le grand mal du tennis. À chaque fois, on parle du fait qu'il y a beaucoup de tournois dans le calendrier du tennis. Et pourtant, il y a de nombreuses exhibitions. Ouais. Alors, pour des fois... Il y en a de plus en plus. Pour des objectifs tout à fait louables, c'est-à-dire l'humanitaire. Notamment, on sait que Federer en fait, mais d'autres aussi l'ont fait également. Et d'autres fois, c'est de l'exhibition, comme au Qatar, généralement, ou dans des pays, les Émirats notamment. Et là, c'est pour les poches. Là, c'est beaucoup plus pour l'argent, et les grands joueurs de tennis n'en ont pas besoin pour moi. Moi, ce que j'ai jamais compris, pardonnez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est l'ITF qui gère la Coupe Davis. Oui, c'est ça. Le problème récurrent des joueurs qui rechignaient au devoir national, entre guillemets, pour aller jouer des matchs, etc., ça date pas de 2017. Ça fait des années que des grands joueurs ne veulent plus y aller une fois qu'ils l'ont gagné une fois, deux fois, puis après c'est terminé. Alors je veux bien que l'ITF ait mis du temps, etc., mais ils auraient dû peut-être débloquer des fonds très rapidement à l'époque. Le problème aurait été résolu et il n'y aurait jamais eu les débats auxquels on assiste depuis un an, quoi. Après, est-ce que pour l'image, faire payer les joueurs pour jouer en Coupe Davis, si c'est la rançon de la continuité pour son pays, bon. En tout cas, je fais partie de ceux qui regrettent effectivement la disparition d'une compétition comme la Coupe Davis, je vous le dis. Oui, bien sûr. J'en comprends les raisons, mais voilà, personnellement, c'était un plaisir de voir cette compétition année après année. En plus, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir une grande équipe de France, et un petit regret de l'avoir disparu. Puis des atmosphères locales, etc. Exactement. On va passer, on continue avec toi justement, Romain, et on va passer au top 14. On va peut-être pas parler de Montpellier tout de suite, on en parlera après, mais il y a eu quand même des beaux matchs. On va éviter de parler de Montpellier tout de suite, on se le laissera pour le sport montpelliérain, et noter malgré tout les premières défaites de la saison de Clermont et Toulouse. Donc sans parler de Toulouse, ce sera le match de Montpellier, nous y reviendrons. Mais les premières défaites de la saison pour l'AS Clermont-Auvergne et le Stade Toulousain, donc plus aucune équipe n'est désormais invaincue en top 14 après 5 journées. Bon, finalement, c'était déjà assez exceptionnel d'avoir deux équipes invaincues après 4 journées, hein, mettons-nous d'accord. Clermont a perdu sur le terrain de l'Union Bordeaux-Bègles à Chabandelmas, grâce à une agressivité supérieure, aussi bien en attaque qu'en défense. Et à l'envi, les Bordelais ont réussi à résister aussi dans les temps forts clermontois, notamment entre la 60e et la 70e minute de jeu. Bordeaux a pu s'appuyer sur une grande solidarité défensive et une conquête solide. Et dans le même temps, comme ça peut être problématique dans ces cas-là pour une équipe comme Clermont s'est retrouvée dans une situation où elle a fait preuve d'inefficacité à des moments clés du match, où ils auraient pu faire basculer le score en leur faveur. Donc 2-1 pour l'UBB qui remporte ce duel contre l'AS Clermont-Auvergne. Donc Montpellier, on l'a dit, je ne l'ai pas encore dit, a battu Toulouse, d'où la seconde défaite du Stade Toulousain, en l'occurrence, nous y reviendrons. Mais je voulais revenir sur un autre match, c'était le duel des promus qui jouait, c'était le remake d'ailleurs de la finale de Pro D2. Ça va faire plaisir à un certain Rémi qu'on salue. Que j'ai rencontré il y a peu, effectivement. Dans le duel des promus, Grenoble est venu à bout de l'USAP au Stade des Alpes, 31-22. Le score est assez impressionnant, j'ai envie de dire impressionnant dans le sens qu'on peut imaginer un match avec de nombreux essais, et j'ai été très surpris lorsque je suis allé voir le détail du score. Le nombre de pénalités concédées par l'USAP. Parce que je n'avais pas suivi ce match dans le détail, et se rendre compte que malheureusement pour nos voisins USAPistes, la défaite est due en grande partie à leur indiscipline, sachant qu'ils ont encaissé notamment 8 pénalités de Gaëtan Germain, qui était dans un grand soir du côté de Grenoble, et qui a marqué 26 des 31 points de son équipe. Donc effectivement, Grenoble... C'est beaucoup. marque un essai dans ce match. Perpignan 3, je crois. Et pourtant, Grenoble l'emporte et Perpignan ne repart même pas avec un bonus défensif. Ça va être dur pour Perpignan. Il faudra que Perpignan arrive assez vite à calmer ces errements d'indiscipline qui leur coûtent relativement cher. En haut de tableau, deux autres matchs dont je voulais parler, c'était le choc de la cinquième journée. Le Racing 92 l'emporte 27-11 contre le Castres Olympique à Paris La Défense Arena, avec trois joueurs qui ont marqué ce match. Finn Russell, l'ouvreur écossais ouais. Et puis également deux joueurs virevoltants, l'un qui jouait à l'arrière, l'Irlandais Simon Zebo, qui est la recrue phare du Racing cette année, et bien sûr l'inévitable Virimi Vakatawa, qui a été titularisé à nouveau au centre lors de cette partie. Et l'autre match sur lequel je voulais revenir, bien sûr, c'était celui du Stade Français. On va parler des deux clubs de Paris aujourd'hui, c'est comme ça, le Stade Français qui a réalisé la perf du week-end, sachant que c'est la seule équipe à s'être imposée à l'extérieur sur le terrain où il est difficile de gagner, de la section paloise, le stade du Hameau, 25-13, avec notamment un grand Gaël Ficou, auteur de deux essais. Donc les deux clubs franciliens ainsi confirment leur bon début de saison et s'affirment comme des prétendants sérieux aux phases finales. Dans les autres matchs, en bref, le Stade Rochelais s'impose contre le Loup 30-13 au stade Marcel des Flandres. Le RCT retrouve le goût de la victoire à Mayol et gagne avec le bonus offensif contre Agen 33-3. Ma question, c'était tout simplement au sujet du Stade Français pour vous, messieurs. Le Stade Français était à la lutte pour le maintien tout au long de la saison dernière et impressionne finalement en ce début de saison, avec notamment deux victoires à l'extérieur à Perpignan et à Pau ce week-end. Et pensez-vous tout simplement que l'on va pouvoir se régaler à nouveau avec un Stade Français en haut de l'affiche? Et voyez-vous cette équipe, on va pas encore parler de phase finale bien sûr, mais comme un véritable outsider aux premières places de la phase régulière? Alors après, moi, si je peux commencer, tu parles justement de l'USAP et de Pau, qui sont quand même deux équipes en difficulté. Alors bon, moi, je n'ai pas trop regardé le top 14 cette année, contrairement à d'habitude, mais il m'a cru, enfin l'USAP un peu plus, mais Pau, je crois qu'ils sont pas en grande forme cette année. Ouais, ils font pas un super début de saison en tout cas. Donc est-ce que le Stade Français n'est pas aussi haut par rapport aux adversaires qu'ils ont joué? Ça, c'est une question que je te pose à toi. Le Stade Français les dernières a mis énormément d'argent. J'étais un peu étonné les dernières de les voir aussi bas avec une équipe aussi normalement au niveau des individualités aussi performante. Et peut-être voilà, c'était juste une année dans le dur, une année où ils doivent se connaître peut-être les joueurs pour mieux repartir. Voilà, c'est mon avis sur celui-là. Bah moi je me dis que oui, outsider pour les phases finales, clairement, je les vois à ce rythme-là. Bon, je crois que ça fait 6 journées, bon, c'est trop peu pour se prononcer d'ores et déjà. 5, ouais. Ça fait 5, oui. Bon, ça fait trop peu pour se prononcer d'ores et déjà, mais enfin bon, le Stade Français, je les vois personnellement dans les 6 premiers. Et historiquement, le Stade Français, c'est toujours une équipe qui, dans les phases finales, est difficile, est très très bon défensivement, est difficile à manœuvrer. Je me rappelle qu'à chaque fois que Montpellier les affrontait, on avait du mal. Et puis là, Ficou qui est en état de feu, je crois qu'il est déjà à 4 essais. Candidat pour le Brennus, je ne sais pas, mais candidat pour les phases finales, au moins une demi-finale, oui. Ouais, oui. Oui, c'est vrai que ça me semble tout à fait possible pour cette équipe. Préflo fait bien de le signaler, hein, il y a deux victoires à l'extérieur, mais contre deux des équipes en difficulté, bon, surtout Perpignan qui a perdu malheureusement ses 5 premières rencontres. Désolé Rémi de le rappeler. Et par contre, au-delà de ces victoires qu'on pourrait imaginer en trompe-l'œil, c'est quand même deux victoires à l'extérieur, hein, donc c'est pas à domicile. À 14 contre Perpignan. Ouais. Voilà, à 14 contre Perpignan. Ouais, et donc le Stade Français a montré de belles choses aussi contre Toulon le week-end dernier et a une très belle équipe. Tu en parlais en termes de recrutement, Gaël Ficou, Johan Maestri notamment qui ont signé, et ils sont entourés de joueurs d'expérience et d'autres internationaux, Mornestein, Jonathan Danti, Makalou, Alberts, ou encore d'un jeune talent à l'arrière comme Kylian Hamdaoui. Donc je pense que cette équipe a tout pour réussir, mais l'on verra bien sûr dans le temps. Je rappelle juste le classement avant d'arriver à un autre sport. Bien sûr, Clermont garde la tête du championnat, équipe aussi qui avait eu du mal l'année dernière et qui se retrouve en haut de l'affiche. Malgré sa première défaite de la saison avec 19 points, les deux clubs de la région parisienne, le Stade Français et le Racing, complètent le podium. Le Stade Toulousain, Castres et La Rochelle complètent quant à eux le top 6. Montpellier, on y reviendra, est en 8e position, juste derrière Lyon et à égalité de points avec Bordeaux-Bègles. Toulon est 11e, c'est le gros pour le moment mal classé dans notre championnat. Et les deux promus, malheureusement pour eux, ferment la marche actuellement. Grenoble 13e et Perpignan 14e. Et à ce jour, on peut donc s'imaginer que le maintien risque de se jouer, même si ça ne fait que 5 journées, entre Agen, Grenoble et Perpignan, qui seront donc en lutte pour le maintien dans l'élite du rugby hexagonal. On va passer avec le handball. On n'en a pas trop parlé depuis ce début de saison Sport & Chill. Oui. Et c'est le moment avec Yacine. Alors, mercredi et jeudi dernier se déroulait la 3e journée de la Lidl Star League, dont je me plais toujours à rappeler le nom de sponsoring. victoire, il n'y avait pas non plus de gros matchs, mais victoire de Paris face à Saint-Raphaël, 32-29. On parlera du MHB après, qui a battu Istres 33-27. Victoire de Nantes à Ivry, 32-24. Ou encore victoire de Chambéry face à Dunkerque, 25-23. Ce qui fait qu'au classement, 5 équipes sont à égalité avec 3 victoires en 3 matchs. Paris, Nantes, Montpellier, Nîmes et Chambéry. Alors, je vais poser une petite question juste avant d'aboutir après aux résultats de Coupe d'Europe. Mais selon vous, est-ce que je vais essayer un peu de rendre la Lidl Star League attrayante cette année, hormis Montpellier et Paris. Mais est-ce que la profusion d'outsiders qui me semble de plus en plus évidente chaque saison peut arriver cette année à son point culminant avec une équipe entre Nîmes, Chambéry ou Nantes, sacrée championne de France cette année? Moi, j'en avais parlé au début il y a 2 émissions, je crois. Je pense même que j'avais parlé de Aix-en-Provence et Saint-Raphaël plutôt que de Nîmes, qui pour moi était aussi haut l'espace d'une saison, voire de deux. Un épiphénomène. Exactement, un épiphénomène, c'est le mot. Et ouais, moi je mettrais plus ma petite pièce sur Aix ou Saint-Raphaël qui peut faire quelque chose. Nantes, je vois qu'ils commencent à avoir un complexe d'infériorité face aux grosses équipes. J'en ai bien peur pour eux. Bon, c'est très bien pour Montpellier, mais j'en ai bien peur pour eux. Face à Montpellier, c'était évident, oui. On verra jeudi. Ouais, on verra jeudi puisque c'est le prochain match du MHB. Voilà, donc je mettrai plus mes pièces sur les deux clubs que j'ai cités auparavant, et puis pas trop Nîmes. Et après, si je ne m'abuse, je ne vois pas d'autres clubs pour rivaliser. Très bien. Ouais, je suis un peu de l'avis de Florian. Je pense que Nîmes, ça va. L'année dernière, ils ont tenu une demi-saison et après ils se sont un peu écroulés. Mmh. Est-ce qu'ils vont refaire cette même demi-saison déjà? Déjà, il faudrait battre Paris mercredi. Il me semble que c'est mercredi oui. Pour refaire aussi bien que la saison passée. Après, est-ce que c'est leur ambition aussi de jouer le titre? Je ne sais pas. Et se qualifier pour une Coupe d'Europe, peut-être, c'est peut-être un peu tôt. Nantes sera toujours là. Et quoi qu'il arrive, aller jouer à Nantes... C'est pas facile. Ça va pas être facile. Considéré comme les meilleurs supporters de France. Voilà, et même les jouer à Montpellier ou à Paris, ce sera pas facile. L'année dernière, on était surpris qu'ils puissent tenir la Coupe d'Europe et le championnat de front avec leur effectif. Très bon effectif, mais quelque peu réduit. Montpellier-Paris, ça va être, je vais pas dire celui qui gagne la confrontation directe, parce qu'il y aura peut-être quelque part un accro d'une des deux équipes, voire même les deux. L'année dernière, Paris a perdu 2 matchs de suite contre Nîmes et Aix, qui nous a fait d'ailleurs croire qu'on serait champion. Jusqu'à l'avant-dernière journée. Hein. Jusqu'à ce qu'on perde où à Saint-Raph. À Saint-Raph. Donc, pour moi, pas de nouveauté. Ce sera Nantes, Paris ou Montpellier. Avec peut-être une hégémonie moins grande de ces équipes, peut-être une défaite supplémentaire à Aix, à Saint-Raph. Alors qu'il y a quelques saisons encore, on pensait que le vainqueur, le champion, aurait 24 victoires sur 26. Quoi. Oui, non, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé, ce championnat. Il devient de plus en plus attrayant. Et moi, je me félicite de voir qu'en championnat de France, on a des équipes comme Saint-Raphaël, comme Nantes-Aix ou encore Nîmes. Tu citais même au début Chambéry. Chambéry, oui. Chambéry, qui est d'ailleurs un historique du championnat, qui reviendrait un petit peu plus haut, ce qui serait une bonne nouvelle. Après, pour autant, sur le titre, je vois quand même les choses se dessiner plutôt entre les mêmes grosses équipes. Avec, effectivement, on parlait d'Aix. Tu as cité bien sûr Saint-Raphaël aussi, mais moi je veux mettre l'accent sur Saint-Raphaël, que j'ai vu jouer plusieurs fois la saison dernière, embêter des grosses équipes et qui sera difficile à aller chercher, notamment sur son parquet. Et donc résultat des courses à faire à suivre, mais il faudra beaucoup plus cravacher pour gagner le championnat, et on espère bien sûr pour Montpellier. Désolé de te couper, Romain, parce qu'on va être en retard sinon. Et en plus, tu vas pas vraiment me couper en plus. C'est vrai. Mais visuellement, c'est parce qu'on l'a pas vu, mais je l'ai un peu coupé. Et on va passer aux autres sports avant de parler du football. Et on va parler beaucoup plus du football, évidemment. Donc on va essayer de garder un peu de temps. Oui, je te laisse parler des autres sports. Alors sur les autres sports, rubrique qu'on a appelée ainsi, c'est un peu un pêle-mêle justement de oui. sports. C'est pas péjoratif, hein, voilà. C'est juste qu'on a envie de promouvoir un peu ces sports dont on parle. Absolument. Mais je voulais mettre à l'honneur à la fois parce que c'est une grande compétition et que nous allons parler de sports de combat aujourd'hui, le judo, sachant qu'on avait les championnats du monde de judo et on a vu le sacre hier de Clarisse Agmedenou qui a été sacrée championne du monde en catégorie moins 63 kilos pour la troisième fois de sa carrière à 25 ans à Baku en Azerbaïdjan. Elle conserve son titre, c'est le troisième titre pour elle, 5 médailles déjà au championnat du monde et c'est remarquable sachant que c'est le meilleur palmarès désormais en championnat du monde du judo français féminin, donc c'est une perf à souligner sachant que celle qui détenait le record avant c'était Gevry Zeman, oui. Et qui était parvenue à ce record à plus de 30 ans, à 33 ans je crois, elle n'a que 25 ans et elle est déjà tournée vers les Jeux Olympiques. L'autre médaille que nous avons eue du côté de Bakou en Azerbaïdjan, c'est la médaille de bronze d'Amandine Bouchard en moins de 52 kilos aux Mondiaux de Bakou. Elle allait chercher la médaille après un wazahari, après une minute de combat face à la belle Charline Van Snick, alors qu'elle avait été battue en demi-finale par la japonaise Uta Abe. Et c'est sa deuxième médaille de bronze mondiale après celle de 2014. Je sais qu'aujourd'hui nous étions en lice en demi-finale. Je ne peux pas vous dire si nous avons été médaillés. J'ai vu une médaille de bronze sur mes notifications, mais qui. Donc nous avons une médaille de bronze. Alors je sais qu'il y avait à la fois chez les hommes et chez les filles des demi-finalistes, donc vous pourrez me le confirmer. Je me permets aussi d'ajouter une chose qui était vraie, c'est que Gevry Zeman avait déjà aussi trois titres de champion du monde. Il y avait aussi Lucie Décosse qui avait trois titres de champion du monde, donc voilà, juste pour la précision. Et effectivement qui elle a gagné aussi le titre olympique, donc absolument. C'est le double objectif de Clarisse Abdenenou, même si elle n'est pas là que pour la chasse au record, mais pour elle-même arriver à ce titre olympique. Nous vérifierons d'ici la fin de l'émission si on a eu une médaille supplémentaire. Je vois que tout le monde cherche et s'inquiète de ne pas l'avoir à la donner. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de regarder les demi-finales en fin de journée. J'allais enchaîner avec un autre sport de combat, c'était la boxe. Il y avait un combat important avec victoire d'Anthony Joshua à Wembley. L'anglais détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO des lourds s'est imposé dans un combat très attendu face au russe Alexandre Povetkin par KO à la 7ème reprise. Je sais que Guy a dû apprécier. Anthony Joshua est un des grands boxeurs actuels et très jeune de la catégorie des lourds, et c'était sans doute un des combats les plus attendus de cette année. Et on a parlé d'un grand combat de boxe, vous vous rappelez aussi, Canelo la semaine dernière, remporté par Canelo. Donc c'est des semaines de grands combats de boxe. Je crois que nous avons... On a la médaille. Alors, dites-moi tout. Axel Clerget en moins de 90 kilos, médaille de bronze. Voilà, la médaille est donnée, donc si je n'en ai pas oublié, nous avons déjà trois belles médailles à notre actif. J'allais enchaîner donc avec la MotoGP et la victoire au GP d'Aragon de l'Espagnol Marc Marquez. Le pilote Honda s'impose dans un duel l'opposant à l'Italien de Ducati, Andrea Dovizioso. Et il faut noter que c'était un des grands moments de cette saison avec ce mano à mano entre Marquez et Dovizioso. Marquez a désormais 72 points d'avance cette avance pourrait être assez rapidement irrémédiable, sachant que au Grand Prix du Japon de Motegi, qui a lieu je crois le 21 octobre, alors c'est que d'un point de vue comptable, mais il pourrait tout à fait être sacré. Ensuite, vous ne le voyez pas, mais il a mémoire devant lui, hein, je vous le dis clairement. Non, mais tu sais, il travaille. Je fais des recherches et puis comme ça, après, j'en apprends plein de choses sur tous les sports et je suis loin de tout vous dire à l'antenne. C'est vrai. Et sans le deviner facilement, en effet. Oui, il nous éclate. Ça peut jouer. Le classement donc des pilotes, Marc Marquez est en tête avec 246 points devant Andrea Dovizioso qui en a 174 et Valentino Rossi à la troisième marche du podium à 159 points. Concernant le français, Johan Zarco est en 8ème position malheureusement lors de ce Grand Prix qui était au Motorland d'Aragon, il a signé son plus mauvais résultat de la saison, une 14ème place, mais on ne doute pas qu'il se remettra d'ici le prochain Grand Prix. J'allais enchaîner avec le golf, messieurs, et Tiger Woods qui revient en haut de l'affiche. Il remporte le Tour Championship avec un score total de moins 11. Il devance Billy Horschel de deux coups et soulève son 80e trophée sur le PGA Tour. Et Woods remonte par la même occasion dans le top 15 mondial. Et cette performance est de bon augure avant la Ryder Cup. Ouais. La Ryder Cup donc, qui aura lieu cette année en France. On y reviendra dans l'agenda. C'est un comeback retentissant pour Woods. Et on sait maintenant que voilà, d'autant plus cette édition de la Ryder Cup avec un golfeur comme Tiger Woods de nouveau à son meilleur niveau sera suivi avec attention, notamment depuis les États-Unis, et en ce sens le match États-Unis-Europe a déjà commencé. Ça fait ramener du monde en plus, Tiger Woods. Et oui, ça fera sans doute ramener beaucoup de monde. Ensuite, nos sports collectifs français, avec une bonne nouvelle et une mauvaise. Alors, je vais commencer par la mauvaise, on finira avec la bonne. C'est le volley masculin qui a été défait dès le deuxième tour des championnats du monde. L'équipe de France avait besoin d'une victoire de la Serbie ce dimanche, qui n'a pas eu lieu contre la Pologne. La France était pourtant bien reprise. J'avais donné dans l'agenda un match contre le Canada que la France a remporté, ce qui leur a permis de passer la première phase de poule et se qualifier au deuxième tour. Et au deuxième tour, malheureusement, une défaite contre la Serbie, deux victoires contre l'Argentine et la Pologne, les deux fois sur 3-7-1, et au classement, malheureusement, la France finit troisième et se retrouve éliminée. Un alors petit coup d'arrêt quand même. Voilà, nos Français espéraient le podium et ne participeront pas donc au Final Six qui aura lieu du côté de Turin au cours de cette semaine. Par contre, du côté du basket féminin, c'était la bonne nouvelle, on va plutôt s'attarder sur celle-ci, avec l'équipe de France féminine qui a bien débuté son championnat du monde avec deux victoires contre la Corée du Sud 89-58 et contre la Grèce dimanche 75-71, donc plutôt un bon début de compétition pour les protégés de Valérie Garnier qui sont bien entrés dans cette compétition du côté de Tenerife. Enfin, dernier sport à évoquer ce soir, c'était bien sûr comme par hasard avec moi, je vais pas vous surprendre, le cyclisme. Ah oui. Avec les news en amont des championnats du monde d'Innsbruck, déjà deux épreuves qui ont eu lieu. C'était le contre-la-montre par équipe des marques. C'est la dernière édition en plus cette année. Elle sera supprimée pour les prochains championnats du monde. Et l'équipe Quick-Step Floors est décidément l'équipe de la saison. Elle l'emporte devant les équipes Sunweb et la BMC. Et je pense que Guillaume en face de moi va être bien triste, sachant que la Sky termine au pied du podium à la 4e place. Enfin, chez les filles, l'équipe allemande Canyon SRAM a été titrée aussi en contre-la-montre par équipe des marques. Dans le cadre de la préparation pour ces championnats du monde, à noter la bonne deuxième place de Romain Bardet au Tour de Toscane cette semaine. Et puis, ce qui nous importe, c'est quelles équipes vont être présentes lors de ces championnats du monde et avec quelle force en présence. On a l'équipe de France complète maintenant, avec deux petits changements par rapport à ce que je vous avais donné la semaine dernière. Déjà, l'incorporation d'Alexandre Géniez, qui a été choisi pour être en équipe de France. Et puis, à l'inverse, un petit changement de dernière minute, c'est Pierre Roland, malade, qui est remplacé par Warren Barguil. Et puis, deux forfaits d'importance pour ces championnats du monde. Richie Porte, leader de l'équipe d'Australie, et Fabio Aru pour l'équipe d'Italie, qui manqueront à l'appel de ces championnats du monde. Et concernant l'équipe d'Espagne, une petite surprise pour moi, mais méritée sur la saison, c'est Omar Fraile qui a été préféré à Mikel Landa pour accompagner Alejandro Valverde et Enric Mas. Ce qui fait qu'on va passer, je suis désolé, on coupe vite au football et à la Ligue des Champions. Yacine, tu vas devoir réduire un petit peu parce que. Ah oui, j'ai juste noté. On devait déjà passer au sport Montpellier. Hein, j'ai noté les résultats principaux et on parlera d'Europa League juste après. Alors, parmi les résultats principaux qui ne concernent pas les clubs français, victoire mardi de l'Inter de Milan face au Tottenham Hotspur 2-1 avec une remontée dans les, ça fait mal, hein. Dans les 5 dernières minutes. Non, c'est un grand plaisir pour la ville de Milan. voilà. Le mercredi. Mercredi, victoire du Real Madrid face à la Roma 3-0 avec un magnifique but, le dernier du transfuge Mariano qui revient dans son club formateur. Victoire de la Juve 2-0 à Valence avec la première expulsion pour Cristiano Ronaldo. Et enfin, concernant les clubs français, défaite de l'AS Monaco face à l'Atlético, c'était Samuel Grandsire qui avait ouvert la marque avant que Diego Costa puis Jiménez marque le deuxième but pour l'Atlético. Défaite de Paris, 3-2 dans les dernières minutes, après que Paris ait remonté par Meunier et Mbappé les buts de Sturridge et Milner. Et enfin, là, c'était la grande surprise de la journée de Ligue des Champions. Victoire de l'Olympique Lyonnais à City, donc c'était le Pépico. Victoire du disciple face au maître, donc Pep Genesio face à Pep Guardiola. Maxwell Cornet et Nabil Fekir donnent la victoire à l'OL avant que Bernardo Silva ne réduise la marque. Et alors ça, c'était la question que je voulais vous poser. Et elle concernait l'Olympique Lyonnais. Elle sera rapide, évidemment, vu que le temps parti se réduit. Vous êtes content. Est-ce que nous assisterons cette année encore une fois à l'éternelle rengaine lyonnaise, entre guillemets, c'est-à-dire un énorme exploit dans l'année, puis après des difficultés à grappiller des points face aux supposés moins forts cette année, à savoir Hoffenheim ou le Shakhtar, qui pour moi est du même niveau? Ou est-ce que cette année, peut-être, Lyon serait à même de grappiller des points face à ses équipes et de finir deuxième éventuellement derrière City? Alors, pour moi, ils ont deux écueils à éviter. Le premier, c'est de se croire arrivé en ayant battu City, notamment en Ligue des Champions, parce que le Shakhtar, l'année dernière, a battu City. C'est pas des peintres. Et Hoffenheim, qui a fini 3e, oui, ou 4e, 3e en Bundesliga, donc c'est une bonne équipe. Et leur entraîneur, peut-être un peu présomptueux, a dit qu'il disputerait le titre au Bayern, donc bon... Il y a des ambitions, après ce qu'ils vont les mettre en œuvre, c'est autre chose. Mais bon, voilà, en Ligue des Champions, Lyon ne devra pas se croire arriver avec cette victoire. Ensuite, pour le championnat, il va falloir que l'OL réalise ce même genre de performance, comme ils ont fait hier également, mais contre des petites équipes, contre les petites équipes de notre championnat. Quand on voit le match qu'ils ont fait samedi à Caen, 3 jours avant City, et qu'on voit la performance qu'ils ont fait à City, on est en droit de se poser la question, est-ce que les joueurs sont impliqués dans les petits matchs? Alors s'il y avait un seul joueur pas impliqué, ça pourrait passer, mais là je pense qu'il y a des caractères comme Traoré, comme Memphis, qui peuvent te plomber un match quand ils n'ont pas envie de jouer. Alors j'ai vu une décla qui est sortie dans la presse de... Parle Guillaume, je sens que tu as le cœur lourd. De Bruno Genesio qui a... Bah, j'ai plus les mots en tête, mais qui a... Il n'en a plus les mots. C'est dire. C'est triste. Mais qui a, voilà, qui a passé une soufflante aux joueurs dans le vestiaire après la victoire à City. Vous êtes des cons, il me semble qu'il a dit ça. Vous êtes des cons à jouer comme ça ce soir et pas à faire la même chose à Caen. Ce sera la clé pour moi de leur saison. Parce que l'effectif, pour moi, c'est le deuxième meilleur de Ligue 1, il n'y a pas de problème. Et la motivation dans les petits matchs sera la clé. Bien sûr, non, mais on en revient exactement à ce qu'on disait l'année dernière. Heureusement et malheureusement, je ne sais pas comment il faut qu'on le voit, sachant que l'OL est capable de réaliser des gros coups, ils l'ont prouvé. Ils font que ça. Contre le Manchester City, c'est... Les gros matchs, ils les gagnent. Ouais, c'est une équipe de coups, de gros matchs. On le disait, je pense que ça se confirme, l'OL est capable, plus que Monaco et Marseille, enfin c'est mon opinion, dans les grands matchs, d'élever son niveau, mais à l'inverse, sur la durée d'une saison, d'une compétition, de laisser passer des fois trop de matchs, de petits matchs peut-être pour eux, mais qui comptent beaucoup à la fin, à la fois pour finir haut en championnat et pour aller très loin en Ligue des Champions. Donc affaire à suivre, mais je les voyais perdre ce premier match, ils le gagnent, donc c'est plutôt bien parti pour eux. Mais voilà, enfin, juste pour terminer la parenthèse lyonnaise, ça serait très dommage quand on les voit, parce que c'est l'histoire un peu de leur vie. Ça fait des années qu'on est habitué à les voir faire ce genre de performance. C'est, je crois, l'équipe qui grappille le plus de points face au gros en Ligue 1 depuis des années. Et là, en Ligue des Champions, attention à ce que les Lyonnais ne passent pas, par exemple, face au Shakhtar et se croient meilleurs qu'eux, parce que pour moi, le Shakhtar, ça fait des années qu'ils ont prouvé. Voilà, ils ont le niveau des huitièmes de finale, voire des quarts. Donc attention aux Lyonnais. Voilà. Est-ce que je peux juste terminer trois résultats français pour l'Europa League et on clôt la parenthèse européenne. Défaite de Marseille face à Francfort de but à 1 dans un match à huis clos après que Marseille ait ouvert le score. Kevin Trappot a apprécié. Voilà, donc Marseille qui se met déjà en fâcheuse posture pour la suite de sa phase de poule. Victoire de Rennes face à Jablonec de but à 1, donc avec un penalty de Tim Ben Arfa à la fin de la partie. Donc Rennes toujours dans la course. Et enfin, défaite des Girondins de Bordeaux au Slavia Prague. Donc encore une fois. 1-0, on a envie de dire qu'on est habitué avec Bordeaux en Europa League. Donc Bordeaux qui se met vraiment en très mauvaise posture pour la suite de la compétition. Et la victoire du Milan AC. Je te laisse 2 secondes pour la dire. Ah, je voulais même pas la dire, mais je le dirai, victoire du Milan AC. Avec, c'est écrit sur sa feuille. Non, à Dudelange, une grande victoire 1-0 avec le but de Gonzalo Higuaín. D'ailleurs, on salue notre ami luxembourgeois Kim. On salue Kim, en effet. On va passer tout de suite, sans plus tarder, au résultat montpellierain. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et du coup, comme mes chroniqueurs ce soir parlent énormément, je vais devoir couper ce que j'ai fait. On va peut-être parler premièrement du MHSC féminin, puisque c'était le focus du jour. Et je vais parler aussi du match qui a eu lieu donc cette semaine. Et j'ai envie de dire jamais 203. Donc pour le MHSC qui s'est incliné pour la troisième fois de suite et qui débute sur l'un des pires débuts de saison depuis des années d'ailleurs pour le club payadin. Défaite plus que logique contre le PSG avec un score moins flatteur que d'habitude de 3-0. Elles ont perdu 3-0 contre Paris. Ce PSG, malgré une entame intéressante des payadines, n'a jamais tremblé, s'est imposé facilement. Le PSG n'a jamais été la tasse de thé du MHSC, on le sait, mais 3 buts d'écart, c'est assez rare de voir 3 buts d'écart entre ces deux équipes-là. Montpellier, malheureusement, maintenant 10e au classement sur 12. Avec 3 petits points, elles vont pouvoir se rattraper, on l'espère, à l'extérieur pour la semaine prochaine contre Soyo, mais devront enchaîner 2 semaines plus tard en se déplaçant où ? À l'Olympique Lyon, très bien, qui est déjà en tête. Pas sûr que donc, ça enchaîne. 3 défaites en 4 matchs, que pensez-vous de ce début de saison pour les féminines ? Est-ce que vous avez une explication à ce début catastrophique ? Peut-être l'année dernière, elles ont joué la Ligue des Champions, alors là, elles ont, je sais pas, peut-être plus d'envie ou plus de motivation. Je sais qu'on est un peu novice au niveau des transferts, on n'a pas trop non plus regardé, on connaît pas trop les forces des nouvelles arrivantes. Mais est-ce que vous avez des explications sur ce début de saison ? Explication, je sais pas, mais en tout cas, c'est le début de saison le plus catastrophique depuis assez longtemps pour le MHSC féminin, qui est habitué à être nettement mieux placé. La défaite contre le PSG, je pense qu'elle n'est pas surprenante, à la fois au vu de la mauvaise période de Montpellier, puis même, malheureusement pour nous, on l'a vu les saisons passées, c'est pour ça aussi que nous sommes pas cette année en Ligue des Champions. Le PSG est passé devant Montpellier, maintenant visiblement assez nettement au vu de cette défaite relativement lourde. Après, moins d'envie, si c'est ça, c'est quand même problématique. Alors certes, déception de ne pas être en Ligue des Champions cette année, alors on se dit qu'est-ce que va nous apporter cette saison ? Ben justement, une occasion en or d'aller chercher à nouveau la place européenne et de repasser devant c'est le PSG. Ouais, et maintenant, c'est déjà trop tard. Donc moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que maintenant, on fasse un peu cette saison de manière un peu nonchalante et un peu... La coupe, peut-être. En vraie encore. Transition, en dehors de la coupe. Tu prends Lyon en 8e, t'es terminé aussi. Ouais, c'est un peu la chasse gardée de Lyon. Ouais. Ouais, donc, le football féminin et la chasse gardée de oui, Lyon. Oui, bien sûr. Ouais. Donc un petit peu inquiet en tout cas pour cette saison qui restera sans doute pas dans les grandes saisons montpelliéraines en foot féminin. J'ai effectivement, je vous l'avoue, j'ai pas vu si l'équipe de Montpellier avait évolué et surtout aussi si leurs adversaires s'étaient véritablement renforcés, notamment les équipes qu'on a jouées pour le moment. Mais bon, je pense pas au point normalement de nous causer autant de difficultés. Donc je suis un petit peu surpris et un petit peu déçu de ce début de saison quand même. On passe. Ouais. Tu voulais peut-être réagir, Guillaume, non ? Juste dire que il peut aussi ne pas y avoir d'explication et que c'est du sport, ça peut arriver et que. Non, c'est sûr. Voilà, il y a. L'année prochaine, ça se trouve, on sera devant Paris et il ne faut pas tirer forcément la sonnette d'alarme. Très bien. Il y a aussi le MWP et le BLMA qui n'ont toujours pas repris. Il y a le futsal qui n'avait pas de match ce week-end, mais le prochain rendez-vous est le 29 septembre à l'extérieur contre l'Entente Furiani. Chez les Vipers, malheureusement, deuxième défaite en deux matchs des Vipers après leur montée en D1 de hockey. Cette fois, c'est contre les Brestois, 4-1 que Montpellier s'incline. A noter quand même un très beau début de match des Vipers qui ont marqué les premiers, mais qui se sont heurtés face à un réalisme incroyable des Brestois. Et face à un manque de réalisme assez inquiétant d'ailleurs des Montpellierains. Le prochain rendez-vous c'est aussi le samedi 29 septembre à 19h, donc pour le prochain match à domicile à Vegapolis contre Chambéry, un ancien D2, c'est une autre équipe de Chambéry. Je me rappelle, ouais. C'est eux qu'on a joué d'ailleurs, non, je crois. Oui, en phase finale, qu'on avait gagné évidemment. Donc pourquoi pas lancer cette saison avec une belle victoire contre Chambéry, surtout à domicile. Le MRC, donc le MHR féminin si vous préférez, victoire du MHR face au Stade Rennais 30-19 à l'extérieur, essai de Morgane Perronnet, Prune Peugeot, Gaëlle Mignot et Safi Ndiaye évidemment qui propulsent le MRC en tête du classement du groupe A du top 16. Prochain match, oui tu vois c'est un peu long, hein. Prochain match dimanche contre Villelonguet à domicile. On passe aussi au handball, une semaine en demi-teinte. Ah bah pour Montpellier, oui, alors autant la victoire face à Istres était assez aisée, donc victoire 33-27, autant Montpellier s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée en Ligue des Champions. Alors pour l'instant, pour le coup, c'est une défaite qui n'était pas forcément attendue, mais c'est une défaite à Meshkov, alors 30-28, si je me souviens bien. Je vais vérifier, mais normalement c'est le cas. Alors, un truc comme ça. Montpellier qui se met déjà en fâcheuse posture à l'heure de recevoir Kielce et qui plus est dans le groupe de la mort. Voilà, le prochain match en Coupe d'Europe, ce sera face à Kielce dimanche. Montpellier avait pourtant joué une équipe à domicile, autant la défaite face au Vardar était tout à fait normale, autant la défaite à Meshkov est alarmante et fait peut-être penser, laisse penser peut-être que Montpellier a décidé de se tourner vers le championnat cette année. Quand on voit le calendrier, ça sera pas aisé en tout cas en Coupe d'Europe. Ouais, ça semble possible. Après, bon, il y a aussi cette poule. On avait dit, il y a 6 équipes sur 8 qualifiées. Donc, tout peut changer vite. C'est jouable, mais il faudra pas traîner. Le problème, c'est que Meshkov, normalement, devrait être dans les 7 et 8. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le MHR, justement, j'avais donné la victoire, mais pas le score. Donc, le MHR l'a emporté contre le Stade Toulousain 66-15 au Stade Yves du Manoir. Ouais, je préfère le dire comme ça. Pas plaisir au Perpignanais 66-15. Ouais, 66-15, juste avant d'aller à Perpignan. C'est plutôt un beau score. La fessée du week-end, donc infligée par le Montpellier Rugby, à leur voisin toulousain, 10 essais à 2. Ça n'arrive pas tous les week-ends. 4 essais notamment pour Louis Picamol pour son retour avec le MHR à domicile. Je crois que tout simplement il n'avait jamais mis 4 essais dans le même match, donc ça c'est pour la petite anecdote. 2 essais également doublés de Nemanja Nadolo ou encore de Benjamin Fall côté toulousain, à mettre à leur actif de 2 essais du jeune Arthur Bonneval. Pour contraster un petit peu cette victoire, il fallait signaler que Toulouse avait fait tourner en réalisant pas moins de 12 changements par rapport à l'équipe victorieuse la semaine passée du Racing 92, en ne faisant pas jouer des joueurs comme Johan Hugé, Maxime Mermoz, Maxime Médard, Jérôme Keino, Fau Mouina ou encore Pointu. Et sur le banc, on avait Bézi ou Tekori. Donc l'équipe avait beaucoup tourné. Mais Montpellier aussi à l'inverse avait à cœur de se racheter hein, après sa défaite de plus de 55 points contre le Loup, et a fait un match très solide, remarquable de bout en bout, même s'il y a eu une petite phase de décompression notamment au retour de la mi-temps. Et Montpellier a plié assez vite le match, 3 essais je crois après moins d'un quart d'heure, et puis surtout un carton rouge qui a scellé définitivement le sort du match pour Toulouse sur un plaquage à retournement sur Gabriel Ngandebe pour leur capitaine du jour face à l'ailé. C'en était trop pour le Stade Toulousain qui a pris plus de 30 points par mi-temps. Et Montpellier remonte petitement, hein, doucement, mais à la 8e place de ce classement, et espère pour revenir dans les places qualificatives, pour arrêter de porter comme elle l'a été ce week-end par des joueurs qui ont été en réussite et qui ont fait un grand match comme Johan Goussen, Nemanja Nadolo ou encore Louis Picamol. Qui a fait un triplé, je crois, non hein. Quadruplé de Picamol, doublé de Nadolo, et puis Goussen qui a montré toutes ses qualités cette fois-ci. Il faudra ça pour jouer le haut du tableau cette saison, surtout qu'on le voit. Une fois encore, le championnat est toujours plus compétitif. Le MHSC au football est une victoire, alors que Guillaume y est tout le temps. Et cette fois-ci. Évidemment, c'est le karma. Mais une fois n'est pas coutume, moi j'y étais pas, mais c'est pas plus mal de le regarder à la télé. On a une autre vision du jeu. Bon, on s'est pas enflammé non plus, faut pas exagérer. Mais, malgré une bonne première mi-temps. Ouais, allez, je suis sévère. Une bonne première mi-temps face à une équipe de Nice qui n'a pas fermé le jeu mais qui n'a rien fait. Le compte, je sais même pas s'il doit y avoir un tir cadré de Nice. Je pense pas, en effet. Si ça dépasse les deux, c'est grand max. Une intervention dans les pieds, je crois, en deuxième mi-temps, c'est tout. Ouais, c'était pas une grande équipe de Nice. Très décevant. C'était pas un grand match tout court. Je m'inquiétais pour Montpellier de ce match contre Nice et j'ai été assez satisfait de Montpellier, ouais. Plus que les semaines passées en tout cas, et assez déçu de Nice à l'inverse. Alors après, il y a deux mi-temps dans un match, hein, c'est le gros problème de notre équipe. Et la deuxième mi-temps n'a pas été, pour ma part, concluante. C'est-à-dire qu'on a, dès qu'on mène au score... On avait l'impression d'assister encore à Montpellier-Strasbourg. Exactement. Alors, moins de changements défensifs, parce que aussi les blessures et le banc ne le permettaient pas. Il manquait Florian Mollet et... Florian, c'est moi. Ah, c'est une déformation. Et Paul Lann aussi qui n'était pas Paul Lann qui était malade, qui n'a pas commencé, voilà. Kigandoli qui malheureusement a une fracture du péroné, on ne le verra sans doute pas avant 2019. Et donc Florent Mollet qui était trop juste pour jouer. Donc pas de milieu offensif. Et des joueurs qui ont tenu leur rôle en première mi-temps. Aguilar qui a encore un peu de mal sur son côté, même si il a toujours la volonté. Il se donne toujours à fond. Il n'a pas le même pendant de l'autre côté avec Oyongo qui monte moins, donc c'est pas les mêmes automatismes par rapport à la saison dernière. C'était un meilleur match. Il n'y a pas, il y a rien à dire par rapport à Strasbourg. On va à Caen mercredi. Ce serait bien de gagner avant de pour se mettre en confiance avant le derby qui j'entends dire qui est la grande attente voilà de j'entends dire oui Nîmes ils vont nous éclater ils jouent beaucoup mieux on n'a pas de défense on n'a pas de milieu non c'est un derby c'est un autre match on va rentrer dedans à fond et pour moi on peut perdre il y a pas de ça reste un match de foot mais c'est pas joué d'avance faut pas dire que Nîmes Nîmes va gagner et Nîmes ne va pas gagner. C'est la conclusion du football. Ça me plaît quand tu parles comme ça. Avant de passer à notre première pause musicale, moi je donne une petite info sur le baseball. On en parle très peu, c'est les Barracuda à Montpellier. Et on les a reçus en plus. Et qui sont en demi-finale du championnat ce week-end. Donc peut-être un titre après, je crois, plus d'une vingtaine d'années d'attente bravo à eux. Pour le baseball. Donc bonne chance à eux pour ce week-end. Donc notre première pause musicale, ça sera X Ambassador avec le titre Renegade. A tout de suite. Retour sur Sports and Chill, c'était X Ambassador avec le titre Renegade. On passe tout de suite à notre jingle interview. Sports and Chill, l'interview. L'interview chill. Et ce soir, nous recevons donc des membres du Taekwondo du 3MTKD. donc le club, un des clubs de Montpellier du Taekwondo. Et nous recevons donc ce soir, je commence par les femmes évidemment, Léa qui est avec nous, responsable du centre de formation du 3M TKD, chargée de suivi post-bac et socio-professionnel au CREPS de Montpellier, et donc notre coordinatrice, on peut dire comme ça, avec Sport & Chill, avec le CREPS. Il y a Sébastien qui est avec nous également. La fois dernière j'avais dit Sébastien et là je dis Sébastien. Bah, c'est quoi, magnifique. Maintenant c'est bon. Psychologue du club, déjà venu d'ailleurs l'année dernière, psychologie dans le sport, et il nous fait le plaisir de revenir avec nous. Et enfin Fidji, c'est un très beau prénom d'ailleurs, soit dit en passant, athlète donc de Taekwondo et service civique pour le club de Taekwondo Montpellier. On va commencer donc peut-être très simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, on a déjà peut-être tous entendu évidemment parler du Taekwondo, peut-être par rapport aux Jeux Olympiques notamment. Est-ce que quelqu'un peut présenter juste les règles Je pense que l'indiquait c'est Fidji qui a été vice-champion de France de Taekwondo il y a 2-3 ans, donc... Un peu les règles, qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que c'est la première de Fidji, mais n'ayez pas peur, je pense qu'on n'est pas méchant, je crois. Enfin, Yacine, je suis pas sûr. Bon, je suis pas sûr, mais oui, juste les principales règles du Taekwondo, comment ça fonctionne, où est-ce qu'il faut taper exactement? Du coup, le Taekwondo, c'est un art martial coréen. Et au niveau des frappes, en fait, on peut toucher au niveau du plastron et à la tête. Après, suivant les catégories, à partir de KD, on commence à taper à la tête. Et pourquoi pas avant, du coup? C'est parce qu'il y a pas assez de souplesse, c'est dangereux ou... Non, avant c'est juste par rapport à l'âge, les enfants, simplement. Sécurité. Oui, voilà, sécurité. Donc on note de nombreux sports de combat ainsi que d'arts martiaux. Le Taekwondo est l'un des arts martiaux les plus connus, on peut le dire. Mais qu'est-ce qui différencie peut-être le Taekwondo des autres arts martiaux classiques? Du coup, le Taekwondo s'est différencié parce qu'on a beaucoup de coups de pied. Il y a des coups de pied qui peuvent être vraiment spectaculaires. Des fois, les raquettes, on fait un coup de pied, on fait 3-4 tours en l'air. Alors, voilà, après, c'est vraiment films, parce que c'est un sport où on utilise principalement les pieds. Voilà. J'ai vu qu'il y avait peut-être un peu plus de technique que sur d'autres sports. Oui. Que c'est aussi ça la particularité du Taekwondo. Oui, c'est ça, c'est super technique aussi ce sport, on peut pas frapper n'importe comment parce que risque de blessure et tout, donc faut vraiment savoir comment placer son corps et tout. Et du coup moi en tant que novice, art martial et sport de combat, est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux? Oui, il y en a une. Pas du tout. Il y en a une. Le sport de combat va être plus le côté sportif dans compétition, alors que l'art martial va être plutôt le côté traditionnel avec toutes les formes que l'on trouve dans le Taekwondo. Donc le Taekwondo est un art martial? Le Taekwondo est évidemment un art martial, donc qui est composé de techniques, celles de défense et de combat. Et dans la partie, on va dire, sportive, on retrouve la partie qui est la plus médiatisée, donc le côté combat et le sport olympique que l'on connaît aujourd'hui. Spectaculaire. on passe peut-être à notre partie 1 qui, moi je l'ai appelé donc, les objectifs généraux, on va dire, et les bienfaits du Taekwondo. Peut-être commencer par physiquement, le physique. Quelle est la journée type ou peut-être l'entraînement type, alors comment on dit déjà un sportif? Un taekwondoiste. Alors là c'est ma difficulté de la soirée. Un taekwondoiste, c'est ça. Quel est l'entraînement type De l'athlète. De l'athlète. Du coup, si je peux décrire un entraînement type, on va commencer par un échauffement. Alors avant tout, on va faire le salut, comme on dit bonjour en général dans la vie, bonjour au taekwondo. On va faire un petit échauffement. Après, soit on peut partir sur de la raquette, donc c'est une cible où on travaille vraiment travail la précision, technique, la technique et, tout, et voilà. Après, en général, on finit soit par du pao. Le pao, c'est une autre cible où on peut vraiment frapper, se défouler, on va dire. Et soit on peut finir sur cet exercice-là, sinon on peut vraiment faire du combat, soit on peut faire du shadow. Shadow, c'est léger, en fait, on fait des actions, c'est un peu touche-touche. Du avec combat le... souple. Ouais, voilà, combat souple, on va dire. Sinon, après, on peut mettre l'armure, c'est-à-dire toutes les protections, les mitaines, les avant-bras, coquilles, casque, plastron, et on se tape dessus. Ça a l'air sympa, dit comme ça, du coup. Est-ce qu'il y a des parties du corps qu'on travaille plus que d'autres au Taekwondo, ou c'est vraiment uniforme, on va dire? Alors déjà, il faut être souple. Il faut vraiment être souple pour le Taekwondo. Donc ce sera pas pour moi. Sauf les personnes qui arrivent à compenser comme moi. Après, sinon, on travaille beaucoup les jambes. Ouais. Tout ce qui est bas du corps, on travaille énormément. Après aussi au niveau du cardio, on est obligé d'avoir un minimum de cardio pour faire du taekwondo, parce que pour tenir 3 rounds de 2 minutes, c'est quand même assez important. Et non, après c'est vraiment bas du corps, on travaille beaucoup parce qu'on fait beaucoup de déplacements. Donc, c'est du coup sur le bas du corps qu'on a le plus de blessures au taekwondo. Est-ce que c'est fréquent d'ailleurs des blessures au taekwondo? Ça peut arriver rapidement, on peut se tordre une cheville, on peut faire un genou, enfin vraiment ça peut vraiment arriver rapidement. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne musculature au niveau des jambes. Il est très important le travail de la préparation physique. Il prend un rôle vraiment, il y a une dimension de la préparation physique qui est très importante dans ce sport. Peut-être plus pour éviter justement les blessures, pour éviter... C'est toujours le plus difficile au début de saison, la préparation. Ah oui, il faut se remettre dedans aussi. Ouais. Ah oui. Et puis il y a beaucoup d'appui sur une jambe. Enfin, lorsqu'on c'est voit des compétitions à télévision, c'est assez impressionnant. En plus sur un nombre de minutes relativement important, d'arriver à tenir. Je pense qu'il y a une importance après, de la préparation physique. Après surtout, en fait, on part vraiment sur des actions brèves. Mais où il faut se donner à limite 300%, quoi. On peut pas faire une action être à 50% parce que derrière on peut prendre un mauvais coup, faut toujours être vigilant, faut toujours avoir la concentration et on veut marquer, quoi, on veut gagner, donc Est-ce que un des chroniqueurs a une question physique avant de passer plutôt à l'aspect mental ou psychologique? Oui. C'est une question physique, elle a un peu répondu. Quand je vois la violence des chocs. Oui. Comment un os ne casse pas, comment un tibia ne casse pas. Et aussi une autre question, le plastron, il est en quelle matière? Parce que ça doit jouer aussi. La matière du plastron, c'est une mousse très compacte. Mousse. Ouais, donc ça amortit. Ouais, ça amortit quand même. Après, maintenant, la nouvelle génération de taekwondo, on a des plastrons électroniques, des casques électroniques, où du coup, pour marquer un point, il faut qu'il y ait bien le contact avec l'électrode, une force assez importante, sinon ça marque pas. Et après, pourquoi on ne peut pas se casser des membres, parce qu'en fait, on est quand même assez protégé. Donc, pour se casser quelque chose, il faut vraiment... Ouais, vous avez fait sous le... c'est pas un kimono, non? On a un dobok. Ouais, voilà. Vous avez des protections que nous on voit pas quand. Ouais, d'accord. On a piten, avant-bras, protège tibia, coquille, plastron, mitaine, protège dents, casque. Ah, okay. Et voilà. Ah oui, en effet. Sauf si on prend un coude. Les blessures existent comme dans tous les sports. Après, oui, on est relativement protégé quand même, et ça se voit pas parce que c'est en dessous du dobok. Et pour compléter ce qu'a dit Fidji, quand on arrive à un certain niveau, on arrive à anticiper le coup et à l'accompagner. Ce qui fait qu'on va pas prendre le choc comme si on était immobile. Dans l'action, dans le mouvement, on va arriver à l'accompagner de manière à ce qu'il nous touche, mais ça choque pas sur quelque chose d'immobile en fait. Du coup, on passe plutôt à l'aspect psychologique, si je peux l'appeler comme ça, ou même plutôt mental. Quelles qualités il faut avoir au taekwondo? Est-ce qu'il faut être, j'allais dire peut-être patient, être concentré? J'ai l'impression que la patience, c'est quand même mère de vertu, justement. Un peu comme en escrime. Mais je pense comme dans tous les sports, il faut être passionné. Hein. À chaque fois qu'on s'engage dans quelque chose, il faut qu'on se passionne. Pour ce que l'on met en place. Et franchement, dans le taekwondo, comme dans tous les autres sports, on retrouve un petit peu les mêmes processus. C'est ce qu'on avait discuté la dernière fois avec Julie Jean et Pierre Salamé. Mm-hmm. Tous les sportifs sont à la recherche de la performance, de ce geste parfait, de cette maîtrise parfaite du corps, de ce savoir-faire du corps en mouvement. Et pour cela, il est important, voilà, de cet engagement personnel, cette attitude, cette prédisposition à vouloir réussir. Moi, en tant que psychologue du sport, je fais toujours une petite aparté sur les rêves des athlètes, cette recherche du rêve, cette recherche du geste. Alors, il y a tout un travail derrière, bien évidemment, que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas observer. Travail dans l'ombre. Exactement, ouais, parce que les athlètes le font au sein des salles d'entraînement et aussi en séance avec le psychologue et avec les entraîneurs. On l'avait dit la dernière fois, le premier préparateur mental, c'est l'entraîneur, que d'ailleurs je salue le bon travail de nos entraîneurs au club, parce qu'ils préparent très bien nos athlètes et ils les accompagnent humainement, et c'est quelque chose qui est très important de garder ce bien-être au sein des salles d'entraînement. Je voulais peut-être parler par la suite des valeurs du taekwondo. Je voulais en parler maintenant, mais je sais que les valeurs du taekwondo sont importantes, notamment au club de Montpellier. Donc on en parlera tout à l'heure. On va peut-être passer à... Est-ce que la limite du taekwondo... Alors ça, c'est une question vraiment personnelle que je me suis posée. est-ce que vous ne soyez pas au final, un peu comme dans les sports de combat ou les arts martiaux, être confronté à un arbitre ou à des jurys, des fois, et à des décisions parfois très contestables qui arrivent souvent en boxe? Malheureusement, ça arrive même au niveau du taekwondo. Souvent. Pour avoir un petit vécu par rapport à ça, c'est quand même assez frustrant. Parce que la décision à la fin, on dit on n'est pas sur la bonne marche du podium, mais malheureusement si. Mais après, voilà, il faut toujours avancer, il faut toujours garder ses objectifs. Et puis, on est dans un sport de combat où la patience, comme vous demandez tout à l'heure, c'est vraiment super important. Donc, avec la patience, on devrait arriver à faire de grandes choses. Vous savez, on est humain. Les juges, ils sont aussi humains, donc ils commettent des erreurs. Après, je pense que c'est à chaque sportif de faire de son expérience quelque chose d'autre. Ce vécu, par exemple, cette mauvaise expérience, c'est à chaque sportif de savoir qu'est-ce qu'il fait de cette expérience-là. Et c'est important pour la suite, pour justement se préparer pour les suivantes échéances sportives, pour les suivants combats, peu importe le sport, que ce soit le taekwondo, aujourd'hui on en parle du taekwondo, mais que ce soit, on parle du foot, on parle du rugby, peu importe le sport, voilà, l'arbitrage, ça arrive, quoi. Donc, c'est à l'athlète de bien comprendre ce qu'il vit, de bien gérer. Voilà. Et justement, on parlait tout à l'heure de plastron électronique. Est-ce que ça a gommé quelques erreurs d'arbitrage? Ou alors, est-ce que ça a créé d'autres injustices par le fait que vous pensez avoir tapé assez fort et ça n'a pas enregistré? Alors, des fois, même si c'est électronique, on pourrait croire que du coup, ça gomme un peu... l'aspect on n'a pas vu le point, l'arbitre n'a pas appuyé sur la manette ou quoi, mais non, parce qu'il existe des bugs, enfin il y a des bugs des fois, la pitaine elle est pas assez en contact, il n'y a pas assez la puissance ou quoi, même si on fait un gros bruit, si c'est pas pile au bon moment, au bon endroit, ça marque pas, et pareil au niveau de la tête et tout, enfin c'est le côté peut-être négatif de l'électronique, quoi. Et on l'a pas précisé lorsqu'on évoquait les règles du taekwondo. Comment finalement, même si peut-être que c'est complexe, dans les grandes lignes sont comptabilisés les points? Parce que justement, à un moment, j'évoquais l'escrime, en parlant de l'escrime, où je sais que c'est un système de touches. Comment ça fonctionne? Alors que je pense par exemple à un système comme comme les prises au judo, où il y a des points vraiment plus ou moins importants, voire certains gestes qui arrêtent le combat. Voilà, par exemple, comme le hippon au judo. Du coup, au niveau des points, en fait, quand on fait un coup de pied basique au niveau du plastron, on marque 2 points. Quand on fait un coup de pied retourné au niveau du plastron, on marque 3 points. Quand on fait un coup de pied basique, pareil, au niveau de la tête, on marque 3 points. 4 points. 3 ou 4, je ne sais plus. Et quand on fait un coup de pied retourné au niveau de la tête, c'est le plus spectaculaire, c'est le plus difficile à placer, on marque 5 points. Okay. Voilà. Mais il y en a quand même. Mais après... Et du coup, le coup de poing plastron, ça vaut 1 point. Ouais. Donc il y a toute une technique, donc, ce qu'on appelle le technico-tactique, que l'on met en place sur des enchaînements, des stratégies sur le tatami. Et après, comme vous l'avez bien évoqué, ça ressemble fortement à l'escrime, puisque c'est du coup que le but c'est de toucher sans se faire toucher. Après, du coup, il y a des pénalités et il faut aussi savoir que le taekwondo autorise le chaos. Donc le seul moyen d'arrêter un combat, c'est de faire le chaos à l'adversaire. Mais il y a une durée de combat, sinon, qui est la même suivant les compétitions ou... Alors, ça dépend des catégories. Ouais. Si on part sur des seniors, ce qu'on voit souvent à la télé, c'est du 3 rounds de 2 minutes. Mm-hmm. Si à l'issue de ces 3 rounds, le score est ex aequo, on passe au point en or, donc le 4e round, qui est aussi de 2 minutes, où le premier touche marque, gagne. Et si à la fin de ce 4e round, il n'y a rien, là, c'est décision des arbitres. Et c'est du coup le plus frustrant, puisqu'on s'est battu pendant 4 rounds, et ça va être du... C'est plus notre sort, quoi. Ouais, du coup, qui est jugé en fonction de la technique, justement. C'est ça, de la domination, un petit peu de tout ce qui rentre en compte. Moi, j'avais une question, en fait, sur... je voulais revenir un peu, la question de l'arbitrage avec la question de la psychologie et du mental. Quand on part du principe, les règles de ce jeu, en fait, sont... Voilà, c'est 3 rounds de 2 minutes où tout va très vite, c'est fragmenté. En fait, il faut être prêt le plus rapidement possible et se concentrer sur une phase de temps qui est très très limitée. Est-ce que le fait de se dire, voilà, je vais essayer d'anticiper les éventuelles erreurs d'arbitrage, essayer de me focus sur ça en faisant un travail, essayer de faire en sorte de ne pas déraper, etc. Est-ce que ceci, ça aussi entre en compte dans la préparation mentale, de se dire voilà, je sais que j'ai travaillé pendant des mois pour cette compétition là, oui. Je m'attends éventuellement, on sait jamais, à ce qu'il y ait des erreurs d'arbitrage, mm-hmm. parce que l'erreur est humaine, et je fais en sorte de pas déraper le jour, le moment venu. Bien sûr, il y a tout un travail derrière, justement lié à l'expérience du sportif, au vécu sportif. Mais il y a aussi des techniques pour préparer justement ce genre de situation. Il y a des, on fait des séances de concentration. Ouais. On le travaille, ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille. Parce que bon, avant une compétition, le corps il peut aller très bien, mais si la tête elle va pas bien, le corps ne suit pas. C'est quelque chose qui est très important. Je pense que peut-être vous deux, vous pouvez en témoigner de votre expérience au sein de, des compétitions. Ouais, personnellement, moi, je me prépare toujours mentalement. C'est super important parce que à partir du moment où on n'est pas concentré, enfin, on essaie vraiment de se concentrer sur la compétition, même surtout sur les championnats de France. Après, moi, on va dire que mon vécu au niveau des championnats de France, je me suis toujours mise beaucoup la pression. Et malheureusement, au niveau de mon palmarès, après, je suis pas satisfaite, mais bon... J'ai pas eu ce que je voulais, mais après oui, on essaie vraiment d'être focus comme ça, on essaie de faire le moins d'erreurs possible, et puis après on se donne à fond quoi, on est là, on lâche pas, et puis si malheureusement il y a une erreur d'arbitrage, ben voilà quoi, on subit et on est sur la mauvaise marge du podium à la fin et on revient l'année d'après et on revient et on revient et on revient chaque année. Je pense que par la suite, Flo voudra revenir sur, bien sûr, sur le club. Mais il y avait un dernier point que je voulais évoquer, mais alors qui est plus sur l'aspect précédent qu'on évoquait, physique que mental, mais qui me semblait important de préciser, c'est sur les catégories de poids. Oui. Est-ce que, bon, moi je les connais, mais pour nos auditeurs, vous pouvez un peu repréciser ce qu'il en est. Et puis aussi peut-être dire quelle est l'importance de ces catégories de poids, parce que c'est vrai que peut-être sur un sport comme le judo, on le perçoit très bien. Ouais. Alors peut-être que sur un sport comme le taekwondo, on voit moins l'importance du poids, alors qu'elle doit être clé, mais alors, le grand public ne comprend pas forcément. Oui, c'est super important parce que quand on tombe déjà sur une personne qui est au niveau de la musculature plus importante, la différence elle se ressent tout de suite. Au niveau de la frappe, bah, c'est pas du tout pareil. Et surtout par rapport du coup au niveau électronique, chaque catégorie de poids a un seuil de puissance, donc on peut pas mélanger les catégories non plus. Après il faut savoir qu'au taekwondo il faut être en général grand, avoir des grandes jambes et être longiligne. Voilà, longiligne. Et c'est pour ça, c'est super important les catégories de poids. On peut tomber sur des moins de 49 qui sont peut-être plus grands que des moins de 57 ou alors. Enfin, voilà quoi. Alors, c'est là où l'encadrement et l'accompagnement des athlètes est important parce super. Que tous les athlètes sont confrontés, peu importe les catés, à des régimes alimentaires assez, assez forts. Il y a les régimes. et c'est vraiment important de faire un suivi, de faire un accompagnement de la part de l'institution de chaque athlète. Par rapport à son poids, par rapport à sa taille, par rapport à sa catégorie, même s'il est poids lourd, on a notre cher Omar El Yazidi qui est poids lourd, il a un régime alimentaire qu'il essaye de suivre pour garder son poids de forme. Pour garder son poids de forme. Même s'il fait partie de la catégorie des poids lourds, même lui, il a un poids qui fait qu'il se sent plus ou moins à l'aise sur les combats. Voilà. Pour vous donner une idée, les filles, ça part du moins de 49 au plus de 73. Ouais. Et les garçons, du moins de 54 au plus de 80. Voilà, donc c'est des tranches qui sont très fines, puisque par exemple pour une fille c'est du moins de 59 ou du moins de 55, donc ça se joue à pas grand chose. Change vite d'une catégorie, c'est ça, ça varie plus, c'est ça. Et après il y a tout un travail derrière d'observation sur les catégories dans lesquelles on est, sur les adversaires, puisque chaque fille va avoir une façon de combattre, et nous quand on va dans une compète, enfin par l'expérience, on sait voilà, qui est la plus tonique, qui est la plus vive, qui va monter plus souvent la tête. Et donc là, ben, on sait, on va dire, la trame de compète que l'on va avoir suite au tirage que l'on a, suite à la pesée, un jour avant la compétition. Donc c'est même là, on va dire, la préparation mentale commence une semaine avant avec la perte de poids. Puis une fois qu'on a validé le poids, le tirage au sort des combats. Et puis une fois qu'on est sur le tatami, il faut y aller, quoi. Pour ça, après, c'est super important d'avoir les taekwondoïstes en général, ils tiennent un régime sur le long terme, parce qu'en fait, on est toujours obligé, enfin, du moins, on est obligé, on essaie toujours de s'entraîner à son poids de forme. En fait, le poids de forme, c'est le poids qu'on aura en compétition, et si on s'entraîne soit en sous-poids, soit en surpoids, c'est super compliqué, parce que au niveau des déplacements, c'est pas pareil, au niveau des actions, c'est pas pareil, et c'est là où les blessures peuvent arriver rapidement. Parce qu'en général, la perte de poids, elle se fait très rapidement. Et du coup, la prise de poids se fait très rapidement aussi derrière. Ouais. Et en fait, on fait un peu système du yo-yo et ça, c'est compliqué. On va passer à notre deuxième partie parce qu'on est aussi venu pour parler du club, hein, évidemment, du 3MTKD. Je vais avoir du mal à le prononcer en entier. Montpellier, Méditerranée, Métropole, Taekwondo. Et voilà. Voilà. C'est vrai que c'est le plus facile au final. Dis-le en entier. Pourtant, on aurait pu parler de beaucoup de choses, hein, des Jeux Olympiques, évidemment, de l'équipe de France, mais on va parler du club. Est-ce qu'on peut parler présentation un petit peu du club brièvement, un peu sa création, où est-ce que vous entraînez, et peut-être parler après aussi de vos objectifs, notamment. Bien sûr. Alors aujourd'hui, bon, le 3MTKD, c'est un club qui a été créé par M. Karim Belhassen, qui est notre président aujourd'hui. C'est un club qui a été créé en 2000. On va fêter bientôt nos 20 ans. Aujourd'hui, c'est le plus grand club de France. On se retrouve, je pense que cette année, on va dépasser la barre des 800 licenciés. On fait tout pour, en tout cas. Ouais. On va y arriver. On a 8 salles d'entraînement sur Montpellier. On a aussi une politique de quartier, politique de la ville. On est dans tous les quartiers prioritaires. Alors notre siège, notre salle centrale, elle se trouve à Bagatelle, dans le quartier du Val-de-Croze. On a une salle à La Mosson, on a une salle dans les Hauts-de-Massane, on a une salle à Saint-Martin, Malbosque. On a une salle à Malbosque, on a une salle au quartier Paul-Valéry. Ouais. Donc voilà, nous, notre politique, c'est vraiment d'amener ce sport au sein des quartiers. Les résultats ne le cachent pas. Tous nos champions sortent de ces quartiers politiques. Et on a aussi un engagement envers la société, quoi, envers cette jeunesse qui est en demande de sport, qui est en demande d'une activité sportive, qui est en demande de valeurs. Et franchement, on essaie de véhiculer le mieux possible toutes les valeurs que ce sport magnifique peut apporter aux jeunes, quoi. Justement, parlez-nous de ce projet d'insertion, peut-être de réinsertion pour certains dans la société. Donc, est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent être peut-être, je ne sais pas, décrochés d'école ou des personnes décrochées du monde du travail, et est-ce que vous avez eu des résultats peut-être concrets sur Bien sûr, c'est justement pour cela que c'est créé le centre de formation avec Léa qui peut en témoigner. Aujourd'hui, on peut mener un suivi scolaire des athlètes. On essaie de les suivre non seulement au cours de leur suivi scolaire, mais on les suit après. Post-bac, justement pour savoir quel est le métier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur vie. Le sport, le taekwondo, c'est un sport de haut niveau. C'est un sport, les athlètes, ils se battent pour aller aux Jeux Olympiques tous les jours. Mais malheureusement, ça reste un sport de haut niveau et non pas un sport professionnel. Ce sont très peu d'athlètes qui peuvent vivre de ce sport. Et nous, en tant qu'institution, on se doit, on a justement cette... De les accompagner, oui, voilà. Mais après, de ne pas leur vendre non plus du rêve. Exactement, donc, c'est d'être pour ça honnête que... avec eux et de les accompagner autrement, de leur montrer d'autres types de métiers auxquels ils peuvent se rattacher. Alors, c'est marrant la parce que depuis il n'y a pas très longtemps, on a eu pas mal d'athlètes qui se sont investis, qui se sont engagés avec la police, qui ont commencé à faire l'école de police, ça a commencé par un athlète. Et au fur et à mesure, tous, ils ont voulu entrer dans la police. Exactement. Et c'est vachement intéressant parce que ce sont des jeunes qui sortent des quartiers de Montpellier, qui représentent la France, qui représentent Montpellier à l'étranger, et qui se disent bah, aujourd'hui, je veux travailler aussi pour la communauté. Et qui sont fiers leur club, leur ville, leur pays. Enfin, il faut voir la fierté dans leurs yeux, mais des petits, puisqu'on les prend à partir de 4 ans. Et que déjà à 4 ans, quand ils mettent le dobok, ils sont super tout fiers. Ouais. Ils dormiraient avec, c'était possible. Et donc voilà, après ces jeunes-là, on les accompagne jusqu'au plus haut niveau pour certains. Là, on a un groupe de 12 athlètes au centre de formation qui sont issus de ces quartiers-là et qui pour autant, je suis hyper fière d'eux tous les jours. Quoi. Parce qu'ils mènent un double projet qui n'est pas facile. Et tout ça en autonomie, à nos côtés, c'est beau. Justement, en parlant de la formation, est-ce que quand ils arrivent dans le club, est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou est-ce que ça arrive déjà ou est-ce que c'est eux qui viennent directement par leur propre initiative ? C'est des enfants de champions, donc c'est encore plus beau. Puisque c'est maintenant une génération qui vient toute seule. Au début, oui, on a fait des portes ouvertes au tout début du club pour faire connaître la discipline. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. C'est déjà, je pense que dans le quartier, vous parlez autant de foot que de taekwondo, tellement que c'est rentré, on va dire, dans l'esprit de tous les Montpellierens. C'est quelque chose à le faire. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on est quand même le plus grand club de France en termes de résultats et de licenciés. Donc, c'est vrai que c'est une fierté pour nous et qu'on y tient, quoi. Oui, Guillaume, tu as une question. Par rapport au nombre de licenciés, ça m'a impressionné, 800. Ouais. Je ne sais pas si en France, c'est... c'est représentatif Oui, c'est assez représentatif. Ouais. Alors, il y a 2-3 clubs en France qui on est 2-3 clubs en France à assez avoir, grand, quoi. Qui d'être exactement assez grand. Il y a le club de Strasbourg, il y a un club aussi à Paris. On s'entend très bien avec eux. On essaie de se tirer entre... c'est un bon travail en équipe parce qu'on travaille tous pour le taekwondo français. Entre clubs, on a de très très bonnes relations. Après, je pense que le succès de ce club, c'est justement l'identité. L'identité de Dragon Steam. Enfin. Le fait de vouloir représenter ce club, de vouloir représenter la ville. Ça part de M. Bellassen, qui est le grand maître de ce projet. Et franchement, c'est le grand succès. C'est vraiment ce... Ouais. Et deuxième petite question, est-ce que, par exemple, ça fait encore partie malheureusement d'un sport qui vit grâce aux Jeux Olympiques, vous n'y serez plus en 2020, il me semble ? Ah si. Il n'y avait pas une histoire comme quoi... Si, on y sera, ouais. Bien sûr. C'est l'entrée du karaté. C'est l'entrée du karaté qui a créé beaucoup de doutes, parce qu'on a deux disciplines qui se ressemblent à un certain point. Pour autant, on y sera jusqu'à Paris 2024, c'est sûr. Parfait, et donc, j'imagine que les pics de licenciés, c'est après les performances de Pascal Gentil, de Dissépang, non ? Non, oui et non. Alors, nous, par exemple, internement au club, on a eu 3 athlètes aux Jeux de Rio qui nous ont représentés avec plein de fierté. C'était énorme, c'était un grand succès. On a eu même une athlète en demi-finale des Jeux de Rio. C'est quelque chose dont les jeunes parlent au sein des sections. Ils savent qu'il y a des champions au sein de leur club. Et c'est quelque chose d'hyper important de pouvoir se motiver et se visualiser à travers l'autre. C'est ça aussi, c'est super important. En fait, les jeunes, en général, ils viennent, ils se disent « Ouais, moi, je veux porter le même logo que le grand champion à Rio, il avait sur sa tenue ou sur son survêtement, quoi. » Donc c'est là, ça attire beaucoup, beaucoup les jeunes. Parle d'actualité, là, on en a 3 jeunes qui partent au championnat d'Europe au moins de 21 ans. Donc 3 athlètes du club... qui représentent la France dans chacun une catégorie différente. On peut les citer, on peut les nommer. On peut les citer, bien sûr. Mehdi Germani, Jaber Mézian et Théo Lucien. C'est pas n'importe quoi les euros. C'est une des compétitions que... C'est ça. Chaque athlète aimerait passer par les championnats d'Europe. Et après, l'opportunité, il faut la saisir au bon moment. Il faut toujours être constant, on va dire. Europe, moins 21 ans, ils ont à peine entre 16 et 18 ans les plus grands. Ils sont surclassés, en fait. Mais ils ne sont pas surclassés parce qu'ils ont fait toutes les compétitions et ils ont gagné les catégories qu'il fallait gagner. Ouais. Alors moi, je fais une petite parenthèse par rapport à Jaber Mézian parce que cette année, il était junior. Il était champion de France espoir et en plus il était champion de France senior, donc c'est une performance. C'est ça. Espoir en fait c'est magnifique quoi. Espoir, c'est le moins de 21 ans, ça comprend les catégories de 16 à 21 ans. Donc on a beau avoir 16 ans, on peut tomber contre quelqu'un de 20 ans, de 21 ans qui a peut-être plus d'expérience, de taekwondo, mais bon, il faut faire la diff. Ben, résultat, on espère avoir plus d'athlètes à Tokyo et avoir plus d'athlètes à Paris 2024 qu'on sera chez nous. Et... Tout à fait, en force pour les supporter. Ouais. Bien. Tous avec le logo. Justement, on parle des grandes compétitions. Comment on peut préparer un athlète qui vient peut-être de quartier ou même qui n'a pas l'habitude de se séparer de sa famille ou de son environnement à partir au JO ou dans les championnats d'Europe ou... C'est quelque chose qui se fait... C'est pas du jour au lendemain. Oui, bien sûr. c'est quelque chose qui se travaille. Alors, nous, on essaie de vraiment de les amener petit à petit à sortir à l'étranger, à sortir dans des compétitions, par exemple à Paris, Lyon. Ils voyagent, ce sont des petits... En Espagne, en Italie. En Espagne, par exemple, tous les ans, on a un partenariat avec la Fédération de Murcia, avec le club de Torre Pacheco. On voyage tous les ans, eux ils montent, nous on descend et on fait un énorme stage international de haut niveau et on ramène tous les petits. Par exemple cette année on est allé avec les 2-3 meilleurs petits de chaque section et pour eux c'est leur première expérience internationale. C'est là où cette expérience se crée et petit à petit ça commence à se créer, ils commencent à se rendre compte que voilà, il faut représenter le club d'une certaine manière, d'une certaine façon. Ils apprennent ce qu'est être un sportif de haut niveau, même dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Après, surtout, ce qui est super bien, c'est qu'au sein du club, en fait, c'est vraiment famille. Donc en général, les jeunes, quand ils se retrouvent, ils sont là, ils se disent oui, moi je suis avec mon copain, il a été avec moi, et puis en fait ça les ils se mènent vers le haut chacun, quoi. Et après les jeunes ils voient ces jeunes là, ils se disent ouais, moi je veux faire pareil, donc on se motive, on travaille, on s'entraîne avec eux et tout, et puis tout doucement en fait on crée une super bonne ambiance, puis limite des fois on veut plus partir que rester à la maison puisque c'est tellement bien que voilà, quoi. Finalement, on passe de l'appréhension à se rendre compte que c'est une super expérience. Tout à fait. C'est ça. Et puis, on a vraiment le côté accompagnement des plus grands qui accompagnent les plus petits. Et ça aussi, c'est super beau puisque on voit les grands, les grands athlètes, les grands taekwondoïstes qui partent à l'international, qui animent un stage, qui les accompagnent, qui les coachent dès que c'est possible sur certaines compétitions. Et en fait, la transmission de savoir, des us et coutumes rentre toute seule. Très bien, on nous voit à l'écran en train de boire quelque chose. Consommez avec modération, on vous le rappelle. Les gens m'ont fait galérer. On m'a fait galérer en pleine émission, essayer d'ouvrir une bouteille. J'entendais juste le bruit que ça faisait, du coup je n'y arrivais pas du tout, c'était terrible. Ça restera un moment dans l'histoire de Sports & Michel. Au niveau du public touché, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a une mixité sociale premièrement et aussi une mixité de genre, donc homme-femme, quel est à peu près le pourcentage? Oui, il ouais, y a des filles. Oui, il y a beaucoup de filles. Alors vous les voyez, moi je suis en minorité aujourd'hui. Alors non, parmi tous les licenciés que l'on a aujourd'hui, nous on estime qu'on a à peu près une 40% de féminines. Oui. Chose qui est énorme. Ce qui est énorme, oui, en effet. On croit que c'est un sport de combat. Surtout. Mais il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles, en plus des filles qui ont des résultats. Et c'est quelque chose qu'il faut le dire. Aujourd'hui, la moitié de notre encadrement est féminin. Et ça, c'est énorme. Oui, ce qui est pas habituel chez certains sports de combat. Est-ce que voilà, c'est un peu de la provocation que tu es en train de dire qu'on est encore les number one. Non, parce que ça c'est à noter sinon. C'est justement le principe d'un néo-journaliste, c'est un peu de provoquer sur ça. Est-ce que les sports de combat sont justement le taekwondo, c'est l'un des sports de combat les plus féminisés par rapport à d'autres, ou c'est juste une particularité du club? En fait, je pense que filles comme garçons, on arrive à trouver son juste milieu. On va dire que au niveau du combat, les féminines, elles vont être plus au niveau travail souplesse, travail technique, travail dans le beau geste, alors que les garçons, ça va être vraiment la bagarre. Et ça va être celui qui aura le plus de mental tiendra, celui qui fera les coups de pied les plus spectaculaires tiendra, quoi. Après, voilà, c'est un sport de combat où justement on peut trouver un peu ce à quoi on peut s'adapter, quoi. Fille ou garçon, en fait, c'est la même pour un entraînement. Ouais, voilà. On fait pas de différence. Il y a des filles qui tapent avec des garçons, c'est des garçons qui tapent avec des filles. Et au contraire, cette complémentarité-là qui fait que l'opposition devient facile à la fin, ouais. On va peut-être terminer sur les projets d'avenir pour le club et peut-être aussi les compétitions à court et long terme du taekwondo. Déjà les championnats d'Europe en Serbie. On le rappelle avec 18 3, au 11 novembre. Il y a l'Open de Serbie, il y a les championnats d'Europe moins 21 ans en Pologne. Le groupe cadet, il part à Turin. En Italie. En décembre, on va en Espagne. Donc voilà, il y a pas mal de voyages et de déplacements. En parallèle, on maintient toutes nos actions sociales. Tout à fait. Ouais. On n'en a pas vraiment parlé, mais on en parle vraiment. Et si je vous amène aujourd'hui l'affiche de Cité Sport Tour, c'est qui a eu lieu ce week-end. Ce week-end, exactement. C'était la fête du sport. On a été missionné par le CNDS et par le ministère des Sports ici à Montpellier. C'était un énorme succès. Plus de 800 enfants sur Montpellier ont assisté à nos activités. Vendredi au quartier Val-de-Croze, samedi à Saint-Martin et dimanche dans les Hauts-de-Massane au palais des sports Pierre de Coubertin. Et bon, moi je tiens à faire un remerciement public avec toutes les associations qui nous ont accompagnés. Ouais. Parce que sans eux on n'aurait pas... C'était un engagement envers les jeunes, quoi. Et dès qu'on les a appelés, ils ont répondu présent. Que ce soit le MMF pour nommer, le foot volley, le MMA, il y a eu le full contact, enfin... Je ne peux pas toutes les nommer parce que vraiment, il y a eu le pentathlon. Je fais une énorme parenthèse pour le MUC de Montpellier, avec qui on a fait un très très beau partenariat sur cet événement. Et franchement, on voit que Montpellier, c'est la capitale du sport. Ce n'est pas pour rien qu'on nomme la Montpellier. On les remercie tous. Malgré tous les sports, on est liés. Donc voilà, moi je tenais à faire un remerciement public envers ces associations qui se sont déplacées et qui se sont mobilisées pour ce week-end, quoi. C'est pas pour rien qu'on dit ici c'est Montpellier, non? C'est vrai, en effet. Peut-être le basket Mosson aussi, je tenais à les nommer. un petit dernier point sur alors je sais pas si c'est la situation évoluée sur Omar El Yazidi. On en parlait dernièrement dans le France 3 Région Midi Libre, si je me trompe pas, qui cherchait un emploi. Alors on reste positif, on maintient une attitude positive, on veut y croire, ouais. Parce que bon, il a pas mal d'entretiens en ce moment. C'est quelque chose de positif. On espère qu'il va concrétiser un de ses entretiens. Sur le plan sportif, il est hyper engagé. Il maintient ses entraînements. Ce que j'ai vu, Il a été appelé en équipe de France. Il a fait un stage. Gros succès. Cet été, enfin, il s'arrête pas. Mais en tout cas, on reste positif. On espère qu'il va trouver son alternance. Mais à ce jour, rien n'est signé. Donc, si jamais il y en a encore, C'est vraiment un jeune qui est hyper motivé et très gentil. Mais c'est symbolique justement du club de l'insertion professionnelle que peut-être d'autres clubs ne font pas. Et on partage à fond. On partage à fond sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux. En tout cas, c'est important. C'est un jeune qui est hyper motivé. Il fait partie des meilleurs Français. Il est le 12e mondial aujourd'hui. C'est énorme, quoi. C'est quelqu'un qui se bat tous les jours pour persévérer dans son sport. Donc voilà, on espère qu'il puisse aussi réussir professionnellement, quoi. Et vous parliez des réseaux, c'est important pour faire réussir, trouver des opportunités pour les adhérents du club. Mais aussi, c'est vrai que, alors on va pas l'évoquer dans le détail parce que maintenant nous sommes plutôt sur notre fin d'interview, mais une autre fois, avec plaisir. Il y a toute la médiatisation qui touche certains sports qui est importante à trouver et qui, pour des sports moins dans la lumière, d'autant plus, voilà, parce qu'on sait que c'est pas forcément les grands médias qui vont directement vers le taekwondo ou vers d'autres sports qui ont été par exemple cités dans ceux qui étaient qui ont intervenu lors de cet événement dont Flo regarde actuellement le poster. C'est un cadeau. Et donc je pense qu'effectivement tous ces efforts pour être visibles sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le club, pour les jeunes et pour le sport en lui-même, c'est super important dans la perspective de son accomplissement. Aujourd'hui, on a 4 volontaires service civique qui font un travail magnifique. On a relancé il y a pas longtemps le compte Instagram parce qu'il était un petit peu sur la fin. On lui a redonné un peu de vie. Ça fonctionne très bien. Après, franchement, il fonctionne super bien et tout. Donc, on attend et on va voir. Enfin, pour conclure, dernière question. C'est toujours la même. L'année dernière, j'avais fait exactement la même chose pour finir, pour tous les invités d'ailleurs. S'il y a des personnes qui veulent se mettre au taekwondo, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'ils se mettent au taekwondo et notamment au 3e TKD ? Il faut venir essayer. C'est la famille. Venez essayer, venez tester. Peu importe le pôle d'entraînement dans lequel vous serez, vous serez bien accueillis. Les Dragons Team, c'est une énorme famille. Justement, on est très étendus, donc venez ça essayer. Ça s'est vu ce soir. Merci. On vous attend, vous, aux séances d'entraînement. Bien sûr, parce qu'il faut faire une séance d'initiation. Et oui, vous avez 2 essais, donc profitez-en. On a parlé des manques de souplesse, donc... Je crois qu'il est temps d'arrêter le débat. Et en tout cas, merci d'être venu. Très bonne première, d'ailleurs, je le dis. Et merci aussi, évidemment, au Krebs d'avoir avec eu plaisir. Ce contact. Merci à vous. Et on espère bientôt, on espère aussi de nous parler de vos performances futures dans Sport & Chill. Et bonne continuation. Quant à nous, on va passer à notre deuxième pause musicale. C'est C2C avec Vassil. De retour sur Sport and Chill, c'était C2C avec le titre de Seal. On passe tout de suite à la parole est aux Chillers. La parole est aux Chillers. Allez, les paroles aux Chillers, on dit au revoir à nos invités, excusez-nous. On a pris une petite photo, hein, c'est normal, pour notre première émission avec les, avec des invités. Et nous, on va pas tarder parce qu'il est déjà 20h40, et sinon on va nous gronder. Et on va parler des ultras dans le handball. Je vous explique un peu le contexte. Donc depuis l'année dernière, on va arriver au PSG Handball, des ultras venant du football pour donner un peu d'ambiance dans la salle Coubertin du PSG Handball qui en manque cruellement. Il est vrai que quelquefois, cette salle ainsi que les supporters du PSG Handball manquent un peu de supporterisme, hein, il faut le dire, et d'ambiance pour un club qui paradoxalement joue les sommets. Une bonne initiative donc au premier abord, qui malheureusement est plutôt, ou plutôt fort heureusement, ne fonctionne pas. Le CUP, est-ce que vous savez ce que c'est? Le CUP ou le CUP, je ne sais pas comment on le prononce. Collectif Ultra Paris. Le collectif Ultra Paris, hein, qui les nouveaux ultras du PSG Football, s'est invité plusieurs fois dans les matchs du PSG Hand, brandissant à la fois donc, des banderoles, liberté pour les ultras, qui d'ailleurs, dans un avis personnel, n'avait rien à faire là. Absolument. Était torse nu à la moindre occasion, profitant pour distribuer quelques insultes. Évidemment, ce n'est pas général, fort heureusement, et ce n'est pas une généralité. Avec un supporterisme habituel de certains ultras du football qui ne sont pas forcément péjoratifs des fois, mais qui dans le handball ne passent pas. Le football est ce qu'il est, le handball est ce qu'il est également. Le supporterisme au handball n'est pas le même qu'au football. Et du coup, rien n'est interdit, c'est d'ailleurs aux supporters, aux ultras du football de venir au handball. Mais il y a des règles, comme dans chaque sport, et des règles du supporterisme et des valeurs qui sont propres à ce sport. On peut parler du rugby, mais aussi du handball, c'est évidemment le cas. Le problème, c'est que le CUP dans le CUP. Est-ce que tu dis le CUP ou le CUP? Je ne sais pas. Moi, je dis le CUP parce qu'on dit ultra et pas ultra. C'est vrai, mais c'est vrai. En plus, c'est français. Ce n'est pas le comité Lyon et Progrès. Hein. Après, moi, je dis Eco CUP et c'est un peu perdu là, cool. Mais non, je passe ça à un rapport. Donc, le problème, c'est que le CUP entraîne d'autres ultras. On peut parler des Rampei ou d'Ifada, qui portent bien leur nom, décidément, d'Aix-en-Provence, qui tentent d'imiter les ultras de la capitale. Et je crains fort que donc, ce phénomène s'amplifie dans les des années à venir. Des ultras à Aix-en-Provence. Oui, c'est un concept. Hein. Tout d'un coup. Il y en a, ouais. Bientôt, il y aura des ultras de Saint-Rémy de Provence, et pourquoi pas, D4. Et pourquoi pas Saran je sais que vous voulez faire un peu d'humour, mais malheureusement, on n'a pas le temps pour ce soir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Le sujet est grave. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le handball, les supporters de hand traditionnel ne veulent pas de ce genre de supporterisme. Le PSG a décidé d'acheter l'ambiance, qui malheureusement ne s'achète pas aussi facilement. Montpellier et Nantes ont une culture du supporterisme, pour ne citer que eux, mais évidemment il y en a d'autres. Ce qui est dur d'acquérir d'ailleurs, du supporterisme. Le pire dans tout ça, c'est que de nombreux supporters du club de handball ont désapprouvé ces supporters. C'est que même les supporters du PSG handball n'en veulent pas. Je cite le président, donc le président, ce qui n'est pas rien, du 8e homme, c'est les supporters officiels du PSG Handball, un peu nos Blue Fox à nous, qui s'est adressé d'ailleurs au Blue Fox dans une lettre, je cite « La situation n'est pas évidente, en effet, la présence des ultras au foot fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, car l'image renvoyée par leur présence est bien loin de l'ambiance handball qui nous est chère. Malheureusement, nous sommes trop peu nombreux au 8e homme pour rivaliser, les supporters du handball sont effacés, nous pouvons malheureusement que le constater, sans pouvoir faire grand chose, nous sommes désormais relégués au second plan. Certains parlent d'une culture du club concernant leur présence au match de hand. Le fait que les clubs les invitent gratuitement pour toute la saison y est probablement pour quelque chose. Pas sûr que les supporters de foot soient présents s'ils avaient à payer leur abonnement de hand. À part se désolidariser du comportement et des attitudes des ultras, nous ne pouvons rien faire face à ce rouleau compresseur. Je vous souhaite tous une bonne saison et qui sait, peut-être à bientôt. Merci pour ce message que nous recevrons ces derniers jours. Ah oui, c'est... Voilà la situation au PSG handball. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Alors moi déjà, je ferais juste un postulat qui est le mien, mais qui est basique pour moi, selon moi, c'est que dans des terrains de sport confinés plutôt intérieurs, comme le sont les salles de handball, où on a une moyenne à peu près de 3 à 5 000 personnes dans un stade, j'arrive déjà pas à m'imaginer en fait une culture ultra. Parce que pour moi, déjà, ça doit se faire dans des stades ouverts à l'extérieur, etc. Et dans des salles fermées, déjà, le concept me semble un peu étrange. Après, ça existe au futsal, par exemple. Ouais, mais ça aussi, ça me rend toujours un peu... Je sais pas, j'ai plutôt un avis négatif sur ça, parce que que voir des supporters torse nu en train de... Pourquoi pas s'imaginer dans les futures années où on va lui mettre des fumigènes, c'est un truc, parce que c'est... Ça arrive en Grèce, hein. Au moins à l'intérieur ils ont moins froid. Hein. Ils auront moins froid, oui, je pense pas que ce soit aussi non plus une salle où il fait moins 20 degrés, donc... Non, je vois pas, c'est vrai que... En patinoire, ce serait gênant. Je crois que ça se fait, comme tu l'as dit, en effet, au basket, au Panal, Olympiakos, etc., et j'avais déjà trouvé ça scandaleux, parce que, pour moi, la configuration des salles n'est pas adaptée. Là, pour le coup, c'est dangereux. Voilà. Après, il y a une culture aussi, comme on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, une culture du handball occidental, on va dire. Le handball en Serbie ou en Croatie ou même en Grèce, si tant est qu'il y en ait, n'est pas le même supporterisme. Peut-être là-bas, ça choquerait moins. La culture ultra n'est pas la même dans les pays de l'Est que dans tous les sports que dans l'Occident. Après, ça s'est jamais vu au hand. Je pense que non. Ça pose automatiquement problème parce qu'il n'y a aucun club, y compris le PSG Handball, qui est un club effectivement récent, qui s'est retrouvé avec des ultras dans ses salles par le passé. Donc forcément, il y a une réaction de rejet et une inquiétude même, effectivement, en termes de sécurité et puis même... Pour les gens du PSG, sur qu'est-ce que ça peut apporter de plus à eux tous en termes de supporterisme. Et moi, en étant également supporter de rugby et pas habitué à cela, si on me demandait, pourtant là on est dans un stade ouvert, si je trouverais ça sympa parce que il est vrai, à Montpellier, il n'y a pas une grosse ambiance qu'on fasse venir des ultras de la paillade ou je ne sais où, ben, je verrais pas l'intérêt. C'est pas que je leur en veux à eux, je trouve ça très bien qu'ils fassent le boulot qu'ils font justement à la butte paillade, par exemple, pour rester sur mon exemple. Mais. Voilà, au hand ou au rugby, dont c'est moins la culture, en tout cas en France, je trouve que ça n'a pas sa place. Très bien, on va continuer. J'aurais bien voulu parler un peu plus de ça, mais sinon on va être en retard, et surtout qu'il y a un très gros quiz qui arrive tout de suite, c'est d'ailleurs le Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. On s'échauffe. Allez, on va commencer avec... En souplesse. Avec cette petite musique qui fait peur, évidemment, comme toujours. On va parler tout de suite, ça va être très rapide. Je crois qu'il y a des questions très, très faciles ce soir. On va commencer avec du football. On parlait de triplé la semaine dernière. Qui s'est offert un triplé ce week-end? Ben Yedder. Ah oui, Ben Yedder, en effet, ça point. Douille. Avec la victoire de Séville. Si ça a Levante, non? Levante. Shoot at the balance. Rapidité aussi, et là, très très rapide. Quel était le point commun entre le Stade Toulousain et Clermont ce week-end? Mais ils avaient perdu au match. Ah oui. Ils ne sont plus invaincus. Ah bah il faut s'y attendre. J'ai oublié de dire que c'était du rugby. Ils ne sont plus invaincus depuis ce week-end. Mais Romain avait compris 40 quoi. Maintenant. En plus, c'est parce que tu n'as plus pas de points que. Je l'ai dit. Il faut s'attendre. Qui a dit? Rapidité évidemment. Je ne suis pas le manager. Mais on devrait avoir plus d'options de jeu, attaquer, presser comme on l'avait fait l'année dernière contre Liverpool, les Spurs, Arsenal, Chelsea l'an passé. Thiago Silva. Ce qui nous empêche, je ne peux pas vous le dire, je suis un joueur. Mbappé? Meunier. Je ne suis pas le manager, on devrait avoir plus d'options de jeu, attaquer, presser comme on l'avait fait contre Liverpool, Spurs, Arsenal, Chelsea l'an passé. Ce qui nous empêche, je ne peux pas vous le dire. Mourinho. Guardiola. Je suis un joueur. Ah, un joueur, pardon, excuse-moi. Mais je pense que je suis peut-être dans le bon club. C'est un joueur qui critique un peu son entraîneur. C'est un joueur de première ligue, logiquement. Il a cité Liverpool, Spurs, Arsenal, Chelsea, du coup, il manque un gros club. C'est Fellaini qui a dit ça. J'ai dit un gros club. Non, mais c'est un joueur de United, c'est sûr. Fellaini. Mata. Allez, on se dépêche. Defea. Pogba. Pogba, point. Paul Pogba, évidemment, qui parle sur Mourinho. Je vais faire un air quiz. Magnifique. Rapidité. En me réveillant ce matin, c'est qui a dit, évidemment. En me réveillant ce matin, je me suis dit, ok, je vais prendre un risque. Au warm-up, je me sentais pas très bien, mais j'ai attaqué. Marquez. Marc Marquez, en effet. Bien joué. J'ai attaqué, j'ai chuté, j'ai commencé à réfléchir au pourquoi. J'ai parlé à mon chef mécanicien, au technicien, je lui ai dit « Je veux prendre le tendre à l'arrière ». On a fait une grosse réunion avec le HRC, car je n'ai pas passé le pneu l'après-midi par forte température, mais je lui ai dit « Croyez celui-ci, 10 minutes, là, ouais. Je peux le gérer ». Marc Marquez, évidemment. Après sa victoire sur le GP d'Aragon. Aragon. Motorland. Question boxe et rapidité toujours. Joshua s'est imposé contre Povetkin ce week-end, mais pour le Britannique, il lui reste la seule ceinture WBC. WBC. Putain, décidément, j'ai du mal ce soir. À son actif, qui est le détenteur de cette ceinture? C'est Canelo. Wilder. Ah non, mais c'est pas la même catégorie. Deontay Wilder. Point pour Guillaume. Ils vont essayer de faire ce combat justement pour la réunification. Ouais. Mais le problème, c'est que Deontay Wilder, qui doit d'ailleurs d'abord défendre son titre aux USA contre Tyson Fury, non pas des moindres. Moi, j'allais dire Fury, mais c'était pas ça. Alors, rapidité, qui suis-je? Né le 30 septembre 1975, je suis l'un des plus grands sportifs de mon sport. Je débute mon sport très jeune et je réalise des performances dans les catégories juniors. Je deviens professionnel en 1996 et je deviens le meilleur de mon sport l'année d'après en gagnant le plus gros tournoi de mon sport. Tiger Woods. Point pour Guillaume. Ah oui. J'allais dire Olivier Giroud après le 30 septembre. Mais... Dans les années 2000, j'ai quelques problèmes physiques qui m'obligent à réinventer mon jeu. Je suis une figure commerciale, tête d'affiche de Nike. Je multiplie mes sponsors jusqu'à ce qu'un scandale éclate sur ma vie privée et me fasse quitter mon sport pendant de nombreuses années. J'ai gagné 4 Masters, 3 Open américains, 3 Open britanniques et 4 USPGA. Je suis à la Ryder Cup pour les USA et je viens de gagner mon 80e tournoi. Je suis Tiger Woods. J'allais dire Daniel Narcisse, ce qui n'a aucun rapport avec l'actualité. Aucun rapport. Rapidité. Football. Quel ancien monégasque s'est illustré en marquant un but contre l'une des plus grosses équipes du championnat. De ce championnat. Bernardo Silva, oui. Ah. Bah, non, c'était pas... Il a marqué, oui, mais... Il n'a pas marqué, mais pas contre une grosse équipe. Un ancien monégasque qui a marqué contre une grosse équipe de son championnat. Celle qu'on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Monégasque qui a fait avec son Moutinho. Moutinho qui a égalisé face à Manchester United avec son équipe des Wolverhampton un partout. Aïe. Il a dit Ruben Neves mais il a pas joué. Je cherchais le nom. Oh là là. Rapidité. Le 3 décembre prochain, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. À cette occasion, de nouveaux trophées créés par France Football seront décernés lesquels? Le meilleur jeune et le meilleur féminin. Meilleur public. Meilleur jeune et meilleur féminin. Ah non, c'est pas ça. Meilleur public qui existait déjà. Ouais. Meilleur féminin, c'est-à-dire Ballon d'or féminin. Ballon d'or féminin et meilleur jeune, donc moins de 21 ans. Donc ils savent pas quoi faire. Et... Ballon d'or féminin. Non, c'est la meilleure joueuse féminine, mais pas le ballon d'or. La joueuse FIFA. Ah, c'était pas. Là, ça va être The best. Mais ça sera tellement. C'est ce soir le FIFA. Le ballon d'or est mort. On s'y perd. Comme ça. D'ailleurs, le trophée des jeunes, est-ce que vous savez le nom Je l'ai vu. Golden Boy. Non. Ah oui. C'est un nom d'un joueur français. Très connu. Un ancien. Papin. Non. Très ancien. Le prix. Vraiment Copa. Copa oui. Fontaine. Copa. Allez, Copa, je donne le point à Rome. Ah, c'était une question à Madrid. D'accord. Copa Cola. Oui. Qui a dit rapidité? Je me suis bien marré. C'est une expérience géniale et j'ai adoré. Avant d'ajouter sur un autre joueur, cela nous a permis d'apprendre à se connaître, ce genre de quality time qui ne peut renforcer du coup. Djokovic ne peut renforcer notre relation. Le respect est là et là. Et il sera là pour toujours. C'était Federer. C'était Djokovic sur la Lever Cup et aussi après en parlant de Roger Federer. Point pour Romain. Très serré, hein. 4-4 et Yacine un peu en retrait. Oui. C'est pas ma soirée. Culture G de Taekwondo. On en a parlé tout à l'heure. Très rapide. Hein. De quel pays vient le Taekwondo? Corée du Sud. Yacine, point. Corée du Sud. QPUC. Et d'ailleurs, quel est tour de table peut-être? Quelle est la ceinture la plus importante en Taekwondo? Rouge. Rouge pour vous? Oui. Pour moi, c'est rouge. Il y a une émission à finir, non? Oui. Bah, je veux dire rouge aussi pour pas perdre de points, mais. Ça se trouve, il me semble qu'en plus, c'est rouge, c'est pas comme au judo. Si ça se trouve, c'est noir aussi. Mais je pense que c'est rouge. Comme au judo, c'est noir. C'est noir, c'est noir. Moi, influencé, je me suis dit, il y a un piège. Non, mais il a joué au bluff, ça a réussi. Culture G, cette fois-ci en NBA. Je mets quelques petits cultures G basket. Ça plaît, j'aime bien ce mot. Qu'est-ce qui va nous sortir? Est-ce que vous voyez le logo de la NBA déjà? Oui. Ouais. C'est la main droite qui est dessus. Un joueur qui est dessus. C'est une photo d'un joueur. Qui est-il? Abdul Jabbar. Non. Michael Jordan. Non. D'ailleurs, au JO 1960, champion de NBA en 1972 avec les Lakers, MVP de la finale d'ailleurs. Will Chamberlain. Non, c'est. Il porte le nom de sa conférence. Il porte West. Bah oui, mais qui? Dwayne West. Non. Taribo. Non, personne ne l'a, je pense. C'est Jerry West. Ah oui, mais oui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Jerry West, un joueur très connu en NBA. Enfin, pour les connaisseurs de NBA, qui est sur le logo. C'était une photo et ils ont pris exemple dessus. D'accord. Football. Le Celtic Glasgow. tour de table. Le Celtic Glasgow, septuple champion d'Écosse, a perdu 2 fois en 6 matchs cette année en championnat. Combien de fois avait-il perdu la saison dernière ? 0 fois. Pendant toute l'année ? Je dirais 0. 0. 2. 2 fois. 1. Une fois, c'est point pour Yacine avec 2 défaites. Pendant tout le championnat, bon, et là ils sont déjà arrivés. Ouais. J'ai tenté aussi. Ils sont déjà arrivés. Non, un vainqueur l'aurait su quand même. Taekwondo, aurait... tour de table. Quand le taekwondo devient-il olympique ? En 2000. C'est en 2000 aussi. 2000, ciné. Point pour tout le monde. Je rappelle que les points, tout le monde est à 5 points. Il reste 2 questions. Aïe, aïe, aïe, aïe. Terrible. Sur les 15 joueurs, on fait un tour de table. Sur les 15 joueurs du Stade Toulousain contre le MHR, combien étaient habituellement des remplaçants ? C'est une info Rugby Rama. Sur les 15 joueurs, il y a combien de remplaçants habituellement ? Tour de table. 9. 9 remplaçants. Qu'est-ce que tu veux dire par remplaçants ? Qui sont remplaçants ? Normalement, qui sont remplaçants habituellement. Selon Rugby Rama. Et qui ont joué. C'est selon Rugby Rama, attention. Okay. Ça vaut ce que en ça gros, vaut. C'est selon Télé Z. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai jamais dit ça, Guillaume. J'ai cité la référence, c'est pas la même chose. Non, mais Midi Olympique, c'est pas mal en plus. Je t'écoute. Bon. Alors, moi, je vais dire 8. 8, 9 et 9, il a dit, Guillaume. Ah, moi, je dirais plus que ça. J'avais dit, ah mais ça peut jouer à un près, donc je vais peut-être pas dire ce que je voulais, je vais dire 11. Tu voulais dire quoi ? Je veux dire 12. Et c'est 12 en effet. Bien, 12. Point pour Romain, tous, j'ai 12 joueurs contre, ouais. Sur 15, ce qui fait énorme. Ah, vive le rugby, vive le top 14. Et vu que je suis quelqu'un de sympa pour toi, Romain, dernière question pour 2 points, qui permet à tout le monde de gagner. Désolé, Romain il me fait une tête très méchante. Ça va, qui suis-je ? Comme ça va. Né le 25 octobre 1992 à Rennes. Je possède un beau palmarès de avec mon sport. New. Ça fait 2 fois qu'il nous a eu comme ça. J'en peux plus mais, de ce gars. Mais il a pas démarré. Je suis désolé, c'est 92 et Rennes, je suis désolé. Je possède un beau palmarès de mon sport en France, voire même au monde. J'ai d'ailleurs été championne d'Europe cadette en 2008, mais aussi championne d'Europe une fois à Montpellier en 2014. Ah, mais ça vaut aucun point. Ce n'est pas mes seuls titres, loin de là. Évidemment, dans les championnats de France, je suis plusieurs fois championne, notamment en 2009, 2010 ou encore 2012. Je possède la plus grande distinction de mon sport, les Jeux Olympiques. Je ne possède pas la plus grande distinction de mon sport, les Jeux Olympiques, mais je suis vice-championne. Je pratique les arts martiaux et notamment l'un des sports de combat les plus connus au monde. Je viens d'être championne du monde de judo en 2018. Je suis Clarisse Agbenienou. Allez, moi je quitte cette émission. Non, je suis désolé, j'avais juste. Je l'ai appris. Je suis totalement désolé. Totalement désolé. Non, mais. Parce que je savais pas qu'il allait l'avoir d'aussitôt. Mais est-ce que tu veux partager cette victoire ou pas? Parce que Romain était sur 2 victoires d'affilée. Hein. Moi, je passion. Le totem. Je vais collectiviser la victoire, les gars. Il n'y a pas de souci. Du coup, victoire de Romain et Yacine. URSS. Guillaume est juste derrière avec 1 point de retard. Comme une merde. C'était un beau quiz, les gars. Non, c'est un très beau quiz. Et on va pas tarder, il est 58. On va passer à l'agenda. Et on va commencer avec le football. Yacine, est-ce que tu as un agenda football? Alors oui, alors attends, juste que j'avais un jeu de papier. En toutes ses fesses, on m'a dit. Alors, j'annonce, j'annonce un gros programme en réalité qui va commencer dès ce mercredi. Alors, on aura par exemple de la Ligue 1, alors Marseille-Strasbourg, Caen-Montpellier, Bordeaux-Lille ou encore Paris-Reims. La veille, on aura déjà Nantes-Nice, TFC Saint-Thé ou encore Monaco-Angers. Ça sera pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. On aura de la coupe toujours mercredi, la Carabao Cup, donc l'ancienne League Cup en Angleterre, avec un choc entre Liverpool et Chelsea, ou encore en championnat d'Espagne un Séville-Real ou un Inter-Fiorentina mardi en Serie A. Et pour le week-end, alors là, ça va être la grande valse des champagne. Gros matchs. Il faudra se tenir pour les amateurs de football, il ne faudra pas sortir de chez soi le samedi. On aura en Angleterre un énième Chelsea-Liverpool, donc ça sera le deuxième Chelsea-Liverpool en moins d'une semaine. Un Roma-Lazio à 15h et un Juve-Napoli à 18h pour les amateurs de Serie A dont je fais partie. Et pour les hispanisants et les hispanophiles, un Barça-Bilbao et enfin le derby madrilène Real-Atlético à 20h45. Très bien, en handball, Yacine toujours. Alors pour le handball, on aura la 4ème journée de la Lidl Star League mercredi avec un choc entre Nîmes et Paris, un match entre Aix et Chambéry, et jeudi le choc entre Nantes et Montpellier, donc un choc qui vaudra très cher. On aura aussi de la Coupe d'Europe, juste pour terminer rapidement, entre Zagreb et Paris, Montpellier qui recevra Kielce et Nantes qui recevra Skjern. En tennis ? Alors tennis, j'ai été coupé tout à l'heure, scandaleusement. Alors cette semaine, cap sur l'Asie pour les hommes avec le tournoi de Chengdu et de Shenzhen. Et je crois qu'il y en a un qui est un 500. je ne suis pas sûr. Shenzhen. Et chez les femmes, pareil, en Chine, Wuhan, le tournoi de Wuhan, dont Garcia, Caroline Garcia est la tenante du titre. Là, il faut voir qu'elle défend l'impératrice de Chine. Oui. Là, elle rentre dans sa période compliquée. Et, elle a failli jouer Kristina Mladenovic, mais j'ai l'impression qu'elle le fait exprès à chaque fois qu'elle peut perdre avant de jouer Caroline Garcia. Elle le fait, elle a perdu ce matin contre Siniakova. Donc pas de choc français et enfin le tournoi de Tashkent en Ouzbékistan, un petit tournoi féminin. Très bien, en rugby. Après le foot, le tennis et le hand, je vous annonce qu'on va rester devant notre télé pour beaucoup beaucoup de sports. En rugby, week-end de derby et de gros chocs avec les matchs le samedi Toulouse-Castres, Lyon-Grenoble, Bordeaux-Bègles-La Rochelle, donc le sud-ouest, les Alpes et Atlantique déjà pour être servi. Le derby local, Perpignan-Montpellier, ou encore un grand gros choc du championnat Clermont-Toulon. Stade français Racing en clôture le dimanche, en plus on l'a dit, ce sont des prétendants. En Four Nations, deux matchs importants également, Afrique du Sud-Australie à 17h samedi et dimanche... très très tôt dans la nuit, Argentine-Nouvelle-Zélande un peu avant 2h du matin. Très bien, et dans les autres sports, il y a notamment du cyclisme. Dans les autres sports, il y a notamment du cyclisme avec les championnats du monde de cyclisme sur route qui ont lieu toute cette semaine à Innsbruck, je l'ai dit, qui ont déjà démarré. On aura le contre-la-montre en milieu de semaine, mercredi si je ne me trompe pas, mais j'en suis pas bien sûr, je vous avoue, et dimanche, bien sûr, la course Elite Homme, course en ligne qui s'annonce, comme je l'avais déjà dit, très alléchante cette année, avec une entame vallonnée pendant plus de 80 km, c'est le petit teasing du jour. Puis l'entrée sur un circuit de près de 180 km ponctué par une ascension vers la station d'Ixt à plus de 1000 km d'altitude que les coureurs devront franchir à 7 reprises. À plus de 1000 mètres. T'as dit 1000 km. 1000 km. Oh, je me suis chauffé. Facile pour Froome. Déjà qu'il y a 265 km, on si combat on le dopage, à 1000 km d'altitude. On va faire semblant des fois. Hein. Donc, difficulté à 1000 mètres d'altitude, franchi à 7 reprises et qui se terminera lors du dernier tour par une montée finale surnommée l'Enfer ou Oettinger Hall. Très raide, étroite et brutale, avec des passages jusqu'à 28%, avant une descente technique et très étroite, dangereuse direction Innsbruck, de 6 à 8 km. Allez, Romain, allez, Julien. La cerise sur le gâteau, d'après Thomas Rohreger, la personne qui a imaginé ce parcours fou pour ces championnats du monde, qui s'annonce très alléchant avec des très grosses équipes, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'on va se régaler. Concernant les autres événements, le golf, bien sûr, la finale de la Ryder Cup 2018 qui aura lieu en France cette année au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines tout au long du week-end et qui se termineront dimanche. Enfin, le Grand Prix de F1 de Russie à Sochi. Un des grands prix importants de cette fin de saison. Et qui puis, je choisis non pas de tout dire, mais de finir avec le basket féminin parce qu'on a dit qu'on était en période de championnat du monde. On aura la suite de ces championnats du monde pour les protégés de Valérie Garnier avec le prochain match France-Canada mardi soir à 21h30 qui sera le dernier match de la phase de poule. Et puis, sachant que c'est du direct, j'en profite pour donner une info. Nous avons déjà 3 prix The Best qui ont été donnés. Et moi qui me suis un petit peu, on en débattra en off. David De Rea, meilleur gardien, FIFA The Best. Didier Deschamps, meilleur entraîneur FIFA The Best, moins surprenant. Logique. Et puis, pour le prix Puskas du FIFA The Best, c'est Mohamed Salah qui l'emporte finalement à la surprise générale devant Gareth Bale et bien sûr Cristiano Ronaldo pour les deux bicyclettes. Il y a matière à discuter en effet. Je termine avec le sport Montpellier-Rhin pour ceux qui veulent voir du sport à Montpellier. Les Vipers, on l'a dit tout à l'heure, reçoivent la patinoire Vegapolis samedi 19h contre Chambéry. Le foot, il y a 2 matchs, Caen-Montpellier mercredi et donc MHSC Nîmes, le derby dimanche à 17h à la Mosson. Le foot féminin, le MHSC féminin se déplace à Soyo samedi à 14h30. Le futsal se déplace quant à lui samedi aussi à l'Entente Furiani, donc en Corse. Le derby, on en a parlé, USAP contre le MHR le samedi 18 à 18h. Et le rugby féminin, le MRC reçoit Ville-Longuet dimanche, je suppose que c'est au stade Éric Béchu à côté du stade Gégel Stadium. Et enfin le handball, Montpellier se déplace à Nantes jeudi et reçoit Kielce dimanche à 19h à l'Arena. On va finir sur les pronostics, on va en faire qu'un parce qu'on n'a pas le temps. On va faire évidemment le derby Montpellier-Nîmes. Je voulais faire USAP mais MHR, mais là on n'aura pas le temps. Montpellier-Nîmes, Yacine, tu peux commencer. Nul. Ouais, mais elle... 2-2. Critique. 2-2. Moi, je vais dire 2-1 Montpellier. Moi, je peux pas ne pas donner Montpellier vainqueur, 1-0. Et je vais mettre pareil, but à la 94e. 1-0 également, comme Guillaume. Je vous remercie d'ailleurs, Damien Letalec, nos chroniqueurs, merci à toi d'être venus ce soir. On s'excuse pour le retard qui nous a habitués malheureusement. Et on remercie évidemment le Krebs d'être intervenu ce soir, et surtout le club des 3e. TKD, 3ème TKD. 3 Montpellier, donc métropole, Méditerranée. Taekwondo qui sont venus avec nous ce soir et qui c'était très intéressant comme d'habitude. Et on remercie évidemment la technique Arnaud et Tom d'être avec nous ce soir également. Le son de la semaine, oui. Seule info avant le son de la semaine, fake news, c'était la presse espagnole qui a annoncé David de Rea il y a quelques heures. Et en fait, c'est Thibaut Courtois, ça me paraît plus logique, qui remporte le FIFA The Best. Merci aux fake news. Je voulais être précis et pas laisser une fausse info passer. Ok, très bien. On finit avec le son de la semaine. C'est pendant le match d'hier entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, le fameux clash avec Paganelli et Stéphane Guy. Ça nous a bien fait rire, donc on a voulu le remettre avec vous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, lundi, 19h-21h, sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Salut à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Il a été validé, il n'y a pas de débat. La prochaine fois, je ne dirai plus rien, ça vous ira comment ça. Non, mais je vois que ça te fait la gueule, en taille, je me tairai. Ça va, si on ne dit plus rien, ce qui se passe, ça me marre, mais je vais le dire. Voilà, après vous décidez. Non, mais en fait, la vidéo ne se demande plus. Les joueurs, ils essayent. Il faut pas garder aussi là pour expliquer la règle du VAR. Ouais, et la règle du VAR, c'est pas aux joueurs de demander la vidéo. C'est bon. À ma vie. Ouais, j'ai compris. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.